Kim. Igu. Elle est monstrueuse, celle-là. Le but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie. Imagina, premier mot. Il songe en conférence. Bagarre. La bataille était le match. La bataille était le match, mon malin. On est les champions, putain! On est les champions! C'est bon, mais bonsoir à tous. On est sur Sport & Chill ce soir. Nous sommes le lundi 26 mars et c'est l'émission 26 de la saison 3. Sport & Chill, là il fait clair ce soir. Ça fait bizarre, normalement il fait plutôt nuit. Ce soir donc on va parler du sacre de Martin Fourcade par exemple dans le gros globe de biathlon, le début du tournoi de Miami au tennis avec quelques surprises et surtout quelques petites performances françaises. Hélas. Le point sur la NBA avant les playoffs aussi, on va faire un petit point dessus, un petit 5 minutes dessus. Et une belle performance, je sais pas si tu en parles Guillaume, mais une belle performance française en boxe qui a eu lieu ce week-end. Exactement, tu me devances. En sport montpelliérain ce week-end c'est 6 victoires, un match nul et 2 défaites, mais 2 victoires absolument très importante, notamment du côté du hockey, du handball. Et il emporte le pull, hein, d'ailleurs. Exact. Et ouais, le débat Formule 1, c'est un débat Formule 1 ce soir. Résultat donc de la course et les forces en présence de la soirée. Je l'ai entendu, le hockey, attention, il va se prendre un point moins sur les... Ah, mais c'est assumé. C'est la première fois que tu regardes peut-être un match de trois hockey. Trois fois, t'as encore Hawkix quand même. Ouais. Bon, à partir de 5, on commencera à discuter. Je suis pas abonné non plus, faut pas l'abuser. Les prochaines, ça. Du coup, ouais, débat Formule 1 ce soir. Justement, les deux qui ont parlé ce soir, Guillaume et Tim, salut à vous. Salut tout le monde. Bonsoir, salut. En face, il y avait Paul et Thibaut qui sont avec nous aussi ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dimitri et Vincent à ma droite, salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et le dernier, c'est Romain qui est avec nous également. Et bonsoir à tous. Jolie moustache. Ouais, boucle carré qui revient à la mode, ouais. Ah ouais. Pas mal. Ouais, c'est pour le printemps. Bientôt l'espace et le petit, quoi. Nouvelle vibe. Cheveux gominés, on sent qu'il a un beau stage celui-là. Exactement, d'ailleurs, on a un auditeur du stage à l'écoute. C'est fidèle, ouais. C'est un moment de fils. Allez, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier. Et on va commencer par du football, on va parler d'un seul match parce que je pense que les autres résultats des matchs amicaux ça nous intéresse pas tellement. Ouais. Déjà celui-là, il faut en parler, match amical de l'équipe de France, défaite 3 buts à 2 donc au Stade de France contre la Colombie, le but de Olivier Giroud et Thomas Lemar pour la France. Et au niveau de la Colombie, c'est Luis Muriel, Radamel Falcao et Juan Fernando Quintero qui était à Rennes, hein, c'est ça, c'est le joueur de Rennes. Alors, quels enseignements vous tirez de ce match premièrement, et puis est-ce qu'il y a des joueurs pour vous, on parle de l'équipe de France forcément, qui ont confirmé et d'autres peut-être qui perdent leur place sur ce match? Moi je dirais N'Golo Kanté et Thomas Lemar. Dans les points plus, tu veux dire ? Dans les points plus. Ouais, ok, ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est plus un avis général. Et encore, je trouve que Kanté fait pas non plus un match incroyable. Ouais, il perd pas mal de ballons, c'est lui qui amène l'égalisation. Après, c'est. On l'a connu plus propre. Peut-être la stabilité, en fait, dans l'équipe de France c'est une valeur. Ça l'a entraîné vers le bas, quoi. Après, moi, c'est plus un avis général pour l'instant. C'est quand même. Ça prouve que même si on a une équipe qui est sur le papier, je dis bien sur le papier, pareil au-dessus presque de la Colombie, ça montre qu'en face, quand il y a une équipe qui a de la cohésion et qui sait jouer ensemble, et de l'agressivité, on peut se faire battre. Donc ça dégonfle un peu quelques melons. Ça va peut-être leur faire du bien, j'espère qu'il y aura une réaction derrière. Mais ça prouve que cette équipe de France, c'est ce qui me rend pas si emballé pour cette prochaine Coupe du Monde, qu'à part des individualités, il n'y a aucune cohésion pour moi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de transition entre les milieux et l'attaque, ça ne se fait pas bien. Pour moi, c'est ce qui me fait dire qu'on sera pas dans le, au moins jusqu'en finale, quoi. Puis surtout t'as pas de leader qui se dégage au sein de l'équipe, t'as pas Lloris qui est dans les cages, je trouve pas qu'il ait d'influence sur le groupe. Déjà par son caractère et puis aussi par le fait qu'il est dans les buts, ouais. c'est plus compliqué. C'est plus dur, c'est pour ça peut-être aussi que Deschamps a gardé Patrice Evra pendant un long moment aussi à gauche. Bon, même si on sait que les latéraux, c'est pas le point fort de l'équipe de France, mais il n'y a pas de leader qui se dégage de cette équipe, et du coup, il n'y a pas de joueur qui pourrait prendre ce rôle, c'est Koscielny. Le problème, c'est que. Ouais, il est moins bon que les deux, que Varane et Umtiti. Il a peut-être perdu sa place pour la Coupe du Monde. Voilà, il a un peu perdu sa place. Il est numéro 4 là. Ouais, presque. Sur l'équipe type plutôt. Parce qu'à mon avis, il sera, je pense, quand même. Il sera dans le groupe, mais à mon avis, il ne sera pas dans le 11. Mais. c'est un des joueurs qui pourrait quand même nous faire du bien, je pense. Ouais. Faudrait voir, peut-être qu'il va jouer contre la Russie, la Russie demain, donc faudrait être attentif à sa performance. Il est en conférence de presse, donc a priori, normalement, quand on est en conférence de presse, on devrait plutôt bon signe. Minimum jouer. Tu te montres pas s'il a. Ouais. Griezmann pourrait être un leader, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Il a pas les épaules. Pas les épaules, il a pas encore. Disons que Griezmann, il est vraiment bon quand il a d'autres leaders avec lui. Pas de pression, des mecs hargneux et qui le font briller. À l'Atlético, ça a toujours été comme ça. Et en équipe de France, c'est peut-être un leader technique, mais c'est pas le leader qui a intrinsèquement du leadership et du caractère qui va pouvoir motiver les troupes. C'est pas ça, Griezmann. Effectivement, moi je le vois plus comme un joueur décisif. C'est sûr que si l'équipe fonctionne bien, Griezmann est le joueur qui doit nous mettre le but pour faire la différence dans les gros matchs. Par contre, c'est pas un leader de vestiaire, mais lui-même ne se le revendique pas. Et il faudra qu'il y ait d'autres personnalités qui se révèlent vraiment justement de ce côté-là pour l'impact mental dans les grands moments, je pense. Je parlais de la question des joueurs qui perdent leur place peut-être. Moi j'ai un avis sur peut-être Djibril Sidibé qui a fait un match un peu en dedans, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Il a pas de concurrence. Il donc a est-ce que zéro concurrence. J'allais dire la même chose. Moi je le vois absolument pas sauter. C'est inquiétant quoi. Ça le met dans un fauteuil quoi. Ça le met dans un fauteuil. Après pour regarder Monaco régulièrement, même très régulièrement, c'est un joueur qui a progressé énormément et qui depuis 2 mois fait des très grosses performances. Il a pas été bon avec les Bleus, mais je pense que c'est pas forcément un motif d'inquiétude, même si c'est sûr que c'est pas du niveau d'un Joshua Kimmich pour l'Allemagne ou d'un Carvajal pour l'Espagne. Mais il travaille sur ses points négatifs, il a beaucoup progressé. Je pense qu'il y a des points où on va être beaucoup plus gêné, notamment dans le joueur qui va accompagner N'Golo Kanté, parce que Matuidi a fait un match. Ça a été proche du néant. Paul Pogba est avec Manchester est très limite. On ne sait pas trop ce que va donner Tolisso vu qu'il est blessé. Là. Donc, toutes les inquiétudes, c'est plus sur le milieu. Ouais, c'est sur le deuxième milieu qui va accompagner N'Golo Kanté pour moi. Une des vraies inquiétudes de cette équipe. Justement, tu parles de deux milieux. On a vu que Deschamps a fait quand même un changement tactique puisque normalement c'est du 4-3-3 avec Deschamps. Et là, on a vu qu'il a tenté le 4-2-2 d'après ce que ou 4 4-2 ou à plat si vous voulez. Est-ce que c'est la bonne idée de faire ça et d'enlever un milieu un peu plus récupérateur ou pas du tout? Bah, c'est un peu comme ça qu'on a fini l'Euro, mine de rien, puisqu'on jouait avec en 4-2-3-1 avec Griezmann en numéro 10 et Pogba et Matuidi en milieu récupérateur. Donc il n'a pas changé cette formule. Moi ça me gêne moins parce que ça met les joueurs qui sont censés être les leaders techniques à leur place, notamment Griezmann qui est fait pour jouer derrière un numéro 9. Bon, ça permet d'avoir plus de joueurs offensifs, sachant qu'on a quand même un bon banc en équipe de France pour mettre de la jeunesse et de la fougue dans cette équipe. Bah de la jeunesse, oui, t'en as, ça c'est sûr. Mais alors après, c'est que si tu installes pas un plan de jeu prédéfini, hein. T'auras pas de cohésion et t'auras pas d'automatismes qui vont se créer. À gauche, t'as le côté gauche, à chaque fois il change, j'ai l'impression. Et à partir du moment où si t'arrives pas à avoir une colonne vertébrale fixe, t'arriveras pas à te créer justement des automatismes et de la cohésion, ce qui je pense manque à l'équipe de France aujourd'hui. Après autant sur le plan de jeu on peut critiquer Deschamps, autant pour le côté gauche il est victime de la blessure de Benjamin Mendy, parce que sinon les deux avec Lemar ils seraient installés et ça les automatismes ils les ont eu pendant un an et il les aura encore en équipe de France. Mais c'est vrai que oui, enfin, quand on voit jouer Digne ou quand on voit jouer Hernandez, même si Digne ça fait un peu peur. Ouais, ça s'améliore quand même. Face à une grosse opposition, ouais, voilà. Quand même, c'est limité. On va voir la différence. Si Mendy revient, on va voir une très grosse différence. Tu te vois en demi contre le Brésil ou l'Allemagne avec Digne sur le côté et à prendre des G. Hein, ça serait violent quand même. Hein. Ça serait même pas regarder le match. Même si il est à droite. Allez, on passe à notre deuxième sport. On va un peu en moins en parler ce week-end. C'est le rugby parce qu'on a quand même bien parlé ces dernières semaines, notamment avec les 6 nations. Et puis il y avait du top 14. Et top 14, il y avait la 22e journée aujourd'hui, ce week-end, pardon. Et des belles rencontres avec un leader plus que leader, hein, avec Montpellier qui a écrasé Castres. On en reparlera après. Exact. Mais sinon, dans le duel des stades, c'est le Stade Toulousain qui est allé l'emporter à Paris 37-33. Et c'est inquiétant pour le Stade français. La Rochelle a battu l'UBB 31-20. Brive, dans le match de la peur, a gagné contre Agen 15-12. Pau a battu Oyonnax 33-12. Et Toulon a cartonné face à Clermont aussi. Ça condamne les Clermontois qui pensaient avoir une chance. Et ben finalement, ils n'en ont plus. 49-0. Et Lyon qui s'impose face au Racing. Le Racing, pardon, qui va gagné au Loup 24-22. Ce qui est la performance quand même du week-end. Ce qui est la performance du week-end aussi. Et du coup, ça met le Loup en difficulté. Du coup, on y voit un peu plus clair au classement. Donc Montpellier reste leader numéro 1 au classement avec 71 points. Derrière, le Racing et Toulouse sont à 66 et 65 points. Toulon 4e avec 63 points. La Rochelle et Pau avec 61 points. Et puis 7e, donc à 4 points derrière, c'est le Loup avec 57 points. Et Casse 56 points. Et puis il y a derrière, il y a deux équipes qui ne jouent plus rien aujourd'hui, c'est Bordeaux et Clermont. Et derrière, ben, c'est encore incertain. Ça va de Agen à Iona. Ils se serrent tous en 3 points. Ouais, c'est vrai que je crois que c'était la semaine dernière où on discutait de savoir si on voyait des équipes vraiment se détacher pour faire partie des 6, en tout cas pour les places de barragistes, sachant que pour 1 et 2, même si le Stade Toulousain fait une grande saison, le Racing confirme encore à l'extérieur et donc s'affirme derrière Montpellier, je trouve en tout cas. Une équipe effectivement qui donne à l'inverse un mauvais signe ce week-end, c'est le Loup. Alors on sait que c'est encore serré, donc c'est loin d'être rédhibitoire, mais qui perd un match en tout cas, je pense, vraiment important à domicile. À domicile, et c'est surtout ça, la contre-performance de Lyon qui je pense que ça va être un tournant pour eux, et s'ils n'arrivent pas à rebondir tout de suite dès le prochain match, je pense que Lyon pourra dire adieu aux qualifications et manquera du coup le wagon pour les 6 premières places, et du coup ça confirme ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que je pense que Pau et La Rochelle vont réussir à se qualifier et Castres et le Loup, ça va être plus compliqué. Je pense que pour Castres, ça se complique vraiment très fortement. Il se rapproche un petit peu presque de la situation de Bordeaux et Clermont qui eux ont dit vraiment adieu aux phases finales, même si c'était quelque chose de presque su en tout cas là, pour Clermont. 49-0, c'est une claque, hein. C'est une grosse claque, surtout que Clermont à l'inverse a vraiment de grosses ambitions sur la Coupe d'Europe. C'est ça le truc. Donc ils avaient une équipe solide, un peu inquiétant quand même. Assez inquiétant pour Clermont, mais je pense que dans les têtes, ils ont déjà adieu au championnat et ils se concentrent sur la Coupe d'Europe. On passe à une des performances de ce week-end, notamment en boxe et du côté français aussi. Ouais, des belles surprises en boxe ce week-end. Il y avait une petite réunion à Marseille où d'ailleurs Ayam a chanté en introduction, quand même, ça souligné. Et c'était une soirée où il y a eu le couronnement de Goulam Yerian, un boxeur français d'origine arménienne, qui a remporté le titre des lourds légers WBA par intérim. Soro aussi, Michel Soro, le français aussi l'avait emporté en Walter aussi, un titre par intérim face à l'américain John Vera aussi. Et un jeune à suivre, peut-être que vous connaissez déjà, c'est Kawe Toutain. C'est un jeune français de 20 ans qui est en poids moyen, qui est déjà à 10 combats et 9 KO et qui a une boxe de plus en plus appréciée et spectaculaire. Donc ce ratio de KO en témoigne. Et puis il est suivi par des très bons entraîneurs. Donc voilà, à suivre. À noter aussi, j'en profite pour reparler de l'affaire Canelo qui a été suspendue provisoirement. Oh oui, tu en parlais la semaine dernière. Du oui. coup, donc il va devoir témoigner à la commission du Nevada le 10 avril. Donc il va, évidemment, le donc combat pas, contre. Ce n'est pas confirmé. C'est pas confirmé. Mais les suspicions ont été quand même avérées qu'il y avait vraiment la clé en butérol qui était dans son corps, quoi. Et du coup le combat contre Golovkin pour l'instant est en grande difficulté, stand-by, et en même temps Golovkin a signalé qu'il allait peut-être être contacté Billy Joe Saunders, un champion aussi de la catégorie anglais, pour évidemment peut-être remplacer Canelo au cas où c'était avéré. C'est qui ce Canelo? Il vient d'où là? C'est un jeune Mexicain. D'accord. Jeune Mexicain, assez jeune malheureusement, bon de 24-25 ans. Et si c'est avéré, vraiment, ça mettrait un gros coup de frein à sa carrière. Pourtant, c'est la vraie star au Mexique. Attention à la blague, parce que je sens qu'il y a une blague de Vincent qui arrive. Non, c'était juste pour savoir s'il avait sorti une excuse ou quoi. Parce que... Non, honnêtement, il s'est excusé. Parce que Contador a été contrôlé positif au clambutérol. Il avait dit qu'il avait mangé de la viande avariée. Ben, c'était la même excuse. Ah, en tout cas. Voilà. Donc, je l'ai dit la semaine dernière. Mais ça serait un très gros coup, parce que c'est la grosse star au Mexique, presque aussi connue que les chanteurs ou les footballeurs mexicains. C'est la star que tout le monde voit régner sur la boxe, et là ça serait un sérieux frein à sa carrière. Donc affaire à suivre avec grande attention. On passe avec les sports d'hiver. C'est le dernier point sport d'hiver de l'année. C'est un point biathlon, parce qu'il restait que le biathlon, et aussi patinage artistique, parce qu'il y a une compétition importante ce week-end. Exactement, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait un peu des faux espoirs à ceux qui voulaient voir l'espoir d'hiver disparaître, mais ils ne sont pas si nombreux. Là, sachant qu'il restait effectivement une semaine d'importance, sachant qu'il y avait le biathlon avec la dernière manche de Coupe du Monde à Tiumen en Russie, et ensuite, je terminerai là-dessus, les championnats du monde de patinage artistique. D'ailleurs, on pourrait le dire, c'est surprenant de voir des championnats du monde juste après des Jeux Olympiques. Grosse ah oui, c'est dans la foulée. Sportive, dans la foulée, ouais. Ah, okay, tu vois, un mois après. Bon, moi, tu peux te rattraper derrière si tu t'es raté au JO. Ouais, tu peux ouais, on peut voir ça comme ça. Ou confirmer à voir ouais, mais effectivement ambitieux. Ça fait surtout une compétition où il peut manquer des têtes d'affiche importantes qui relâchent la pression, ce qui est normal après les Jeux Olympiques. Donc concernant le biathlon, premièrement, bah, la grosse perf, je pense que personne va être surpris et tout le monde la connaît, c'est Martin Fourcade qui a remporté à nouveau le gros globe de cristal de la Coupe du Monde. Là, c'est la normalité quoi, presque. C'est presque effectivement ça peut paraître la normalité, mais c'est vrai qu'il faut le souligner parce que pour une fois, pas que pour une fois, mais voilà, qu'on a vraiment un champion d'exception. On a quand même qui confirme dans la durée. Ouais. Et qui confirme dans la durée, comme Martin Fourcade, qui marque l'histoire du sport français, mais en plus l'histoire de son sport et du sport mondial. C'est à souligner, surtout que la performance cette année est tout à fait remarquable. C'est multiples médailles olympiques, bien sûr. Performance aussi en relais, donc c'est quelqu'un qui pense pas qu'à sa performance individuelle. Et cette année en Coupe du Monde, c'est quasiment l'intégralité des podiums de la saison. Il n'aura pas fait le podium sur la Mass Start, qui est la dernière course de la saison, mais il venait d'assurer le gros globe de cristal. Donc lui-même disait que c'est compliqué dans cette dernière course d'avoir eu la même concentration. Il a perdu un peu tout espoir sur le premier tir, je dis n'importe quoi. Mais voilà, il avait fait une semaine presque parfaite en remportant le sprint et la poursuite. Vraiment remarquable la performance de Martin Fourcade. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sens qu'il est en pleine confiance là. Si je peux juste dire un truc par rapport à Martin Fourcade, c'est vrai que cette année il a quand même été, on va dire, un peu contrarié par Johannes Bö, on l'a dit, mais encore une fois, j'ai vu ça, ça m'a un peu espanté. Il a gagné. Tu es là, mon sudiste. C'est ça. Il a encore gagné tous les petits globes de cristal, si je ne m'abuse. Et je trouve que c'est une performance assez extraordinaire parce que. Il n'a jamais été autant challengé cette année que par Johannes Bö. Et à part l'individuel, bon, il n'y a que deux courses, c'est un peu plus compliqué, où ils partagent le petit globe tous les deux. Ils gagnent encore tous les globes, en plus du gros globe. Donc je trouve que c'est assez impressionnant. On le disait, voilà, enfin, Johannes Bö, ça y est, il a pris un peu le pouvoir, machin, c'est la jeunesse, il est plus jeune, tout ça. Et puis non. Il y a encore Tonton Martin qui est là, quoi. Surtout mentalement, il a été très bon. Il s'est préparé surtout pour les Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'on s'est dit que peut-être il allait un peu négliger la Coupe du Monde en biathlon. Et au final, même après les Jeux Olympiques, on pensait qu'il allait vouloir un peu souffler, retrouver sa famille, etc. Et ben il a répondu présent. Il finit champion du monde et il a tout raflé sur son passage encore une fois. Il fait partie avec Teddy Riner pour moi des champions français qui marqueront l'histoire. Voilà. Oui, effectivement, année 2018, vraiment presque parfait pour Martin Fourcade. Je pense qu'il ne pouvait pas faire beaucoup mieux, ça c'est clair. Et on n'aura pas le temps de débattre là-dessus, bien sûr. On peut par contre s'inquiéter un peu du désert derrière, en tout cas de constance dans la performance, des podiums de temps en temps des autres Français. À l'inverse, des bons espoirs quand même dans le dernier week-end pour nos Françaises. À noter sur le sprint, la 4e place d'Anaïs Bescon, la 2e place sur la poursuite, donc encore mieux, elle finit en plus dans la même seconde que la vainqueur au sprint Kaisa Makarainen, qui remporte d'ailleurs le gros globe de cristal, et sur la Mass Start qui terminait le week-end, c'est Anaïs Chevalier qui fait 3e place, donc il y a eu des podiums sur toutes les courses cette fois-ci pour nos Françaises qui ne sont pas habituées à ça toute la saison. À noter que Justine Breza, elle, a beaucoup moins bien fini la fin de saison, mais avait marqué le début de saison, donc voilà, il y a des têtes d'affiche qui prendront sans doute la succession de Marie Dorin qui a pris sa retraite cette saison, et donc c'est ce que je disais. Domracheva gagne aussi donc le sprint et la Mass Start, mais Makarainen, en remportant la poursuite, remporte le gros globe de cristal féminin à l'instar de Martin Fourcade qui avait remporté chez les hommes. Donc grosse perf aussi de sa part, et ça a été serré jusqu'à la dernière course. Enfin, donc le patinage artistique, je donne juste les résultats des championnats du monde. Le titre mondial pour Nathan Chen, l'américain en individuel homme, du coup, lui qui avait fini 4e ou 5e, je ne suis plus très sûr, aux Jeux Olympiques, après un très mauvais programme court et en réalisant par contre une performance incroyable sur le programme libre. Là, il s'est loupé aucune des deux fois et il l'emporte largement. À noter par contre l'absence effectivement de Yuzuru Hanyu, le champion olympique. Je parlais des absents des fois post-échéance olympique. Ouais, la victoire, c'est normal. Ouais, la victoire chez les féminines de Kathleen Osmond, la canadienne qui avait fait médaille de bronze au dernier JO. Medvedeva, la médaillée d'argent, était absente. présente, mais la championne olympique Zagitova, ouais, elle, était présente et s'est manquée totalement pour la première fois de sa carrière sur le programme libre. Côté couple, belle perf pour les Français. Morgan Cyprès et Vanessa James accrochent le podium pour une performance qui est vraiment du très haut niveau. C'est une médaille qui vaut presque de l'or pour nos Français. Et en danse sur glace, surtout, Gabriela Papadakis et Guillaume Skizeron vont chercher la médaille d'or, qui avait été déçu de cette légèrement déçu en tout cas de cette médaille d'argent très belle pourtant déjà olympique, et qui vont chercher. Ils allaient tellement pour l'or que ça, la médaille d'argent, ça a dû les... C'est dur. Ils étaient tellement dans un mouchoir avec les Canadiens qui a pris d'ailleurs vont prendre leur retraite, que voilà, c'était vraiment argent ou or, donc tu peux être que déçu. Ah, puis c'est un grand champion, t'es déçu, quoi. Après là ils ont battu le record du monde, justement, ça peut leur exactement. Mais en tout cas, bravo à nos Français qui vont chercher quand même deux belles médailles lors de ces championnats du monde, et Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont plus battu les deux records du monde à nouveau, donc encore capable de battre tous les records à mon avis dans les saisons prochaines. C'est encore bien. Voilà, c'était ton dernier mot sur du sport d'hiver cette année. Exactement. Enfin, cette année, peut-être en décembre, si acheter l'arme, ça va si revenir. Sport and Chill continue, évidemment. Non, mais on l'espère bien. Jusqu'en août. La quatrième saison sera à venir. Allez, on passe à la NBA. On va faire un petit point, un petit 5 minutes dessus sur la NBA, parce que les playoffs arrivent assez vite. À grands pas. Donc, les playoffs arrivent dans moins d'un mois. Donc, les résultats d'hier soir. Victoire des Milwaukee Bucks face aux San Antonio Spurs, 106 à 103. Fin de série pour les Spurs, qui était sur une série de 6 victoires d'affilée. Victoire des Blazers à Oklahoma City, 108 à 105. C'est la 4e victoire en 4 confrontations entre les deux équipes pour les Blazers. Et 60e victoire de la saison pour les Rockets, passe aux Atlanta Hawks, 118-99. Et victoire très importante des Los Angeles Clippers face à Toronto. Puisqu'ils sont à 2 matchs des Jazz et des Pelicans pour la 7e et la 8e place dans la conférence Ouest. Ouais, c'est très serré. Vous voulez pas réagir sur la NBA? Pas du tout. Si on peut, je vous laisse 5 minutes, donc. Il y a eu quand même quelque chose de notable encore, c'est le nouveau triple-double de James Harden, qui a fait un triple-double en 3 quarts temps. C'est tellement ahurissant sa saison qu'il faut quand même, en parler. Et puis, on a eu un match hier, je sais pas qui a pu voir le match, mais le Milwaukee-San Antonio, qui a été vraiment un match fabuleux. Ça a été très très beau à voir. On a je sais pas si vous avez vu le match, mais la dernière action du match où les Spurs, où il reste 5 secondes à jouer, un dernier temps mort à prendre, et Popovic qui prend pas son temps mort, qui laisse le ballon à Dejounte Murray, qui envoie un parpaing à 3 points et qui fait... Ça, à l'époque, il aurait pas pris celui-là quand même. Voilà, c'est ça. Et puis on voit la gueulante de Popovic. Tu m'étonnes. Ça prouve que les Spurs, quand même, ils sont friables quand même cette année. Hein. Vraiment, il y a des signes qui sont inquiétants quand même. Je me demande si c'est pas une fin de cycle ou quoi, mais... Je suis quand même inquiet, je les vois pas revenir en finale de conférence. En finale, ça va être tellement... Non, mais de sitôt, tu vois. Parce que je vois des équipes qui montent, des outsiders dans cette conférence qui montent. Et je sens vraiment que les Spurs sont sur une fin de cycle et je les vois vraiment pas revenir en finale de conf d'ici 2-3 ans, quoi. Après, il faut se remettre du départ de Tim Duncan aussi. C'est sûr que ça a été un trou. Surtout Kawhi Leonard a été blessé toute la saison. Donc, Mais il y a du boulot. C'est vraiment une fin de cycle, je pense, pour San Antonio. À l'inverse, j'ai été vraiment... J'ai vraiment bien apprécié la performance de Milwaukee, qui est une équipe de plus en plus intéressante. Alors bien sûr, en playoff, il faudra voir ce que ça donne, mais avec un joueur comme Giannis Antetokounmpo, c'est toujours difficile à voir. Qui a fait un match régulier à 3 points. Ouais, assez régulier. S'il commence à être bon à 3 points, ça va être le joueur inarrêtable dans la ligue, quoi. Ça va être. Après, Milwaukee, le problème, je pense que c'est le secteur intérieur qui pourrait leur faire défaut dans la conférence. Trop friable, assez friable dans. Et enfin, cette semaine, j'ai vu aussi que Philadelphie, ça fait bien longtemps, a confirmé déjà qu'ils auraient un bilan positif sur la saison régulière, ce qui n'était pas arrivé depuis un maximum de saisons. Ils sont qualifiés en playoff. C'est déjà un petit exploit pour eux. Ouais. Et donc, vraiment, c'est une des grosses franchises de l'histoire de la NBA qui revient au plus haut niveau et qui participera à ces playoffs. Je trouve que c'est quand même une belle nouvelle. Mais là, en plus, non seulement d'être qualifiés, ils vont se battre jusqu'à la fin de la saison pour obtenir l'avantage du terrain au premier tour, ce qui est quand même un bel exploit quand on sait l'inexpérience de ce groupe. mais ils ont des joueurs tellement talentueux que c'est, ouais, à mon avis il y a peut-être une dynastie qui est en train de se créer sur les prochaines années. Oui, c'est sûr, pas pour gagner le championnat, mais pour, enfin, ils vont faire les playoffs pendant au moins 10-15 ans si ça ne change pas trop l'équipe, hein, je pense que à ce niveau-là il n'y a pas de débat. Je ne suis pas d'accord tout à fait avec une expérience, parce qu'il y a des joueurs qu'on ne parle pas, comme JJ Wydick, Marco Bellinelli, donc oui, c'est des joueurs qui ont un peu de bagage. Je pense qu'ils aident bien les petits jeunes, les franchise players de cette équipe. Ils ont une saison globalement c'est jeune, mais c'est vrai qu'après comme dit Dimitri, il y a quand même quelques anciens pour encadrer. Mais globalement, oui, c'est une équipe qui reste assez jeune. Donc, il y en a pas mal qui vont découvrir peut-être un peu les phases de play-off. Donc, c'est quand même. Mais après, voilà, je pense qu'il y a une bonne alchimie, comme dit Dimitri. Les deux expérimentés, notamment, peuvent aider au développement des jeunes de Philadelphie pour les prochaines années, ouais. S'il reste un petit peu, ouais. Ok, on va continuer, comme ça on aura le temps de parler de tous les sports. On va parler du cyclisme, on terminera par le cyclisme, mais on va parler du tennis tout de suite, puisqu'il y a eu aussi Miami. La suite de Indian Wells, la tournée américaine. Ouais, bah là on est sur pas mal de surprises, parce que c'est un peu l'hécatombe au niveau des têtes de série. Chez les femmes, Simona Halep qui a perdu contre The Revenant, aka Agnieszka Radwanska. À vos souhaits, qui joue derrière contre Azarenka, là, match pas mal intéressant sur deux joueuses qui reviennent de derrière les fagots après des longues blessures. T'as parié dessus? Ouais, j'ai mis Azarenka, sachez-le. Ok, ça suivra. Donc ne suivez pas, du coup. Si vous voulez pas gagner l'argent en ce moment sur le tennis. Caroline Wozniacki qui a aussi été éliminée, hein, alors que c'est la numéro 1 mondiale. Putain, c'est vrai. Numéro 2. Venez me chercher sur le tennis. Ouais, numéro 2, exact. Et du coup, bah, tableau assez ouvert, hein, pour Muguruza, qui joue actuellement Sloane Stephens. À part Kvitova, je vois pas trop ce qui pourrait l'arrêter. Et chez les hommes, bah, vous l'avez vu, hein, la défaite de Roger contre Kokkinakis. Tu es triste, mon Vincent. Kokkinakis qui a d'ailleurs, c'est du direct, je crois qu'il a... Ouais, non, c'est 3-3 dans le troisième contre Verdasco, donc assez serré quand même. Est-ce que c'est le match quasiment d'une carrière, parce que Kokkinakis, bah, pour l'instant, ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est la plus belle victoire de sa carrière. On espérait mieux de lui, puis il a eu quelques blessures, mais honnêtement, je pense que là, il faudra compter sur lui. S'il revient, que son physique y suit, il a tout pour au moins intégrer le top 30, là, parce qu'il est quand même très loin, mais le top 30, ça va être une question de temps, je pense, d'ici peu. Quand tu vois qu'il y a dans le top 30 en ce moment. Voilà, c'est tellement fluctuant, je veux dire, dans le top 30, il y a quand même un Sam Querrey, quoi. Je veux dire, il a pas suivi l'exemple de Kyrgios, qui était, c'était la paire, comment dire, australienne qui était prometteuse, ouais. Prometteur, mais bon, même Kyrgios, enfin, il est, je sais pas, il est combien, il doit être dans les 15 à peu près. Ouais, Kyrgios, c'est ça, ouais. Il est 17. T'as dessus, ouais, 17. Ouais, non, c'est vrai qu'ils ont manqué, ils ont pas confirmé non plus. Parce que, enfin, ils ont quand même Kyrgios, il avait bien 22-23 bientôt, donc. Voilà, ça commence à tarder. Kyrgios, 21 ans. Je pense qu'il y a un petit décalage par rapport à la génération canadienne sur laquelle sont un peu plus. Moi, je les vois plus. Chapeau Valov. Aliassim qui va être très bon. Ce sera un cran au-dessus. Chapeau Valov qui n'a que 19 ans. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, non, les Canadiens seront plus sur le match au tennis. Le problème, c'est que. Ouais, Pospisil, il est un peu plus. Non, je crois pas, mais bon. Après, en double, pourquoi pas pour le double. Ouais, ouais. C'est quoi, en Raonic qui essaye de revenir aussi. Ouais, Raonic qui revient. Ouais, il a fait un bon Indian Wells. Il essaie de revenir, là. Il joue. Ouais. Raonic, il joue. Mais il joue Jeremy Chardy. Schwartzman, je crois, non. Il a gagné Schwartzman. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, c'est... très bien. Du coup, ça me permet de dire que Jeremy Chardy a quand même battu Dimitrov, qui est numéro 2 mondial. Et Benoît Paire. Le numéro 3 mondial, pardon. Et 6-4-6-4. Ouais, mais Benoît Paire, tu vas en parler en coup de gueule. Donc, ouais. J'aimerais régaler. Je te laisserai en roulis dessus, quoi. Voilà, je vais me faire plaisir, là. Ah ouais, franchement, il y a pas dessus, non, honnêtement, il y a pas tellement de quoi, on va discuter, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Non, mais j'ai envie de me défouler, laisse-moi me défouler. Ça me fait du bien. Bah, surtout, enfin, il a battu un fantôme, donc. Non, mais c'est même pas sur sa victoire, c'est pour autre chose. Je vous laisse la surprise tout à l'heure. Ouais. Allez. Et Roger qui fait pas Roland, quand même. Faut en parler ou. Ouais, bon, pas une surprise, quoi. Il a raison en même temps. Hein. Là, ouais, on voit qu'il commence à. Je m'attendais aussi. Il a trop enchaîné, là. On sent les signes de fatigue. C'est peut-être bien qu'il. Ouais, qu'il gère trop long, au moins. Non. Pour le public, non, il peut pas. Ouais, faut qu'il calcule. Il y a Wimbledon trop près. Eh oui. Et là, c'est objectif. Allez, on passe au handball avant de finir avec le cyclisme. Il y avait la Star League, ou Lidl Star League, pour faire plaisir à Yacine qui n'est pas avec nous. Mais donc, quelques surprises en championnat cette semaine avec deux matchs nuls entre Chambéry et Dunkerque, par exemple, mais surtout entre Aix-en-Provence et Nantes. Attention, Aix-en-Provence, c'est d'ailleurs le prochain match pour Montpellier. Plus surprenant, c'est la défaite de Saint-Raphaël à Toulouse. Et Nîmes qui a failli faire l'exploit à Paris, mais s'incline d'un seul but, 30 à 29. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le PSG s'en sort grâce à un petit laxisme arbitral comme d'habitude. Oh bah ça, comme au foot, tant qu'on sera premier. Hein. Et donc défaite de Nîmes qui était bien revenu en seconde période, mais défaite tout de même. Au classement, rien ne bouge avec le MHB qui est devant tout de même avec 4 points d'avance sur Paris. Nantes est 3e derrière le PSG. Bataille pour la 4e place entre 3 équipes à 22 points, Saint-Raphaël, Aix-en-Provence et Nîmes. Dans le bas de classement, ça ne sourit pas pour les clubs franciliens puisque Tremblay, Massy et Saran traînent dans le bas de tableau. Aïe. En Champions League, c'était les matchs allés des 8e de finale et grosse surprise en Champions League ce week-end avant les deux résultats logiques avec la victoire de Flensburg 26 à 22 contre Kristianstad, ça sera le prochain adversaire du MHB s'il se qualifie, et la victoire de Nantes à Mechkov-Brest, donc logique 32 à 24. Les performances du week-end, c'est Schkern qui était venu de la poule basse comme Montpellier qui s'impose contre Veszprém 32 à 25, donc 7 points d'avance, enfin 7 buts d'avance pour Schkern, c'est assez impressionnant quand même face pour à Veszprém. Pour aller chercher Nantes surtout. Là il y a une place, il y a ouais. un tableau qui s'était garni quoi. Et l'autre performance c'est la victoire fleuve de Kielce, le club polonais qui s'est imposé 41 à 17 sur Rhein-Neckar. C'est comme si, en fait, ceux qui connaissent pas trop l'Inde, c'est comme si que je sais pas, Chelsea mettait 6-0 Bayern en 8ème de finale Ligue des Champions. Alors, tranquille, quoi. Pour l'anecdote, en fait, l'anecdote, ouais, voilà. Tu peux la dire, vas-y. Je sais pas si t'allais la dire. Ouais, je vais vas-y, la dire. Vas-y. Allez, raconte. Battez-vous, Père Castor. Non, mais du coup, l'anecdote, c'est que Rhein-Neckar a envoyé son équipe bis à Kielce, donc ses jeunes, même, c'est ça, si je ne m'abuse, parce qu'ils avaient un match de championnat le même jour. Championnat d'Allemagne. Voilà. En fait, c'est comme les doublons au rugby avec les 6 nations. Ah, mais en Hollande, ça n'existe jamais, on va dire, les doublons. Voilà. Oui, mais c'est même pire que ça, puisque les doublons, ça concerne que quelques joueurs qui sont pris. Ouais, c'est vraiment... match, deux équipes différentes. Alors, il y avait eu un précédent en basket, je ne sais pas si vous en aviez parlé déjà, où Limoges avait dû jouer un match de Coupe d'Europe. Alors, je ne connais rien en basket, donc je ne dirai rien. Et jouer un match de championnat le même jour. Mais c'est complètement débile. Cette année. C'était arrivé cette année, ouais. C'était... Voilà, donc ah ouais, tu es spécialiste de basket, tu peux me le confirmer probablement. De pro, non, c'était, c'était arrivé cette année, donc ils avaient été obligés d'envoyer deux équipes, ça avait été scandaleux. Ils avaient demandé à reprogrammer le match. Mais comment on arrive à là, parce que les instances, il y a quand même un accident. Ça avait proposé. Non, mais en plus, c'est contre-productif, parce que ton équipe, tu sais que si elle joue la Coupe d'Europe ou quoi le même jour, forcément elle va être moins bien, quoi. Faut s'arranger dans le championnat. Et alors, du coup, je pense qu'ils ont quand même bien fait, parce que du coup Flo, on en avait un petit peu discuté hier et on se demandait pourquoi ils ont envoyé l'équipe bis en Coupe d'Europe. Ouais, moi je pense que ça a plus d'impact du coup de l'avoir envoyé en Coupe d'Europe et de se prendre, voilà, ce résultat 41 à 17, ouais, c'est terrible, et je pense que ça a eu plus d'impact que s'ils avaient juste boycotté un match de championnat. Ouais, du coup je pense que finalement ils ont bien fait, mais c'est vrai que c'est une aberration totale, surtout quoi. Les équipes qui du coup ne sont pas qualifiées, à mon avis, de faire la gueule, parce que quand on voit qu'une équipe néglige comme ça une compétition, ils sont obligés malheureusement, mais du coup ça condamne aussi les autres qui seraient envoyés à fond, auraient envoyé l'équipe type pour essayer de poser des problèmes. C'est ça, c'est que moi j'aurais préféré que Montpellier jouerait à une écart du coup. Ouais, c'est on sûr. L'aurait dit avant. Ouais, dans ces conditions là, oui. Allez, on passe à notre dernier sport, ce qui est le cyclisme. Ah, et il y a moi j'avais mis le Tour de Catalogne, mais je crois que ça a été terminé avant, mais il y a surtout quelques petites classiques belges, et surtout il m'en reste une, la classique Gand-Wevelgem. Non, c'est sur celle là que tu voulais venir. Gand-Wevelgem, c'est en Belgique aussi. Oui, c'est en Belgique. Il y avait un autre pays, GPO3 à Arlbeck, qui était aussi en Belgique, et il y avait les 3 jours de la panne. Peut-être tu parles de la Semana Kopi-Bartali, tu vois, jusque là. Pas du tout. Non, le Tour de Catalogne, je sais pas. Ouais, non, la Flèche Brabançonne, c'est plus tard, et c'est en Belgique également. Bref, je te laisse. Allons-y, que nous perdons du temps. Déjà que je suis capable d'être prolique sur le cyclisme, vous savez bien. Donc, le Tour de Catalogne qui n'était donc pas terminé, pour te corriger. On était même sur la première étape la semaine dernière. Course par étape d'une semaine d'importance du calendrier World Tour, et la victoire, comme l'année dernière, d'Alejandro Valverde. Je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde, mais moi ça me fait très très plaisir. Bon, écoute, ça sera le son de la semaine, mais bon, moi non plus ça me fait plaisir. On pourra en parler. Lancé pour les classiques ardennaises. Les classiques ardennaises, ouais, qui est sa spécialité. C'est l'histoire fera son. Là c'est pas bien, c'est pas bien de dire. Parler de viande avariée tout à l'heure. Surtout médiatiquement, là, devoir de réserve un peu, les oui, gars. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Alejandro Valverde qui remporte le Tour de Catalogne devant son coéquipier Nairo Quintana, de bon augure aussi pour celui-ci qui se prépare pour le prochain Tour de France. Je... Et qu'on a presque oublié, mais voilà, cette année qui a concentré toute sa préparation sur le Tour. Il a tout fait pour qu'on l'oublie aussi. Hein. Oui, on peut dire qu'il a tout fait pour qu'on l'oublie aussi, sachant qu'il faisait part de belles promesses, de plusieurs podiums sur le Tour, et on l'a vu un petit peu disparaître, et surtout jamais franchir le palier qu'on espérait de lui, qui était celui tout simplement de battre Christopher Froome sur le Tour. De jamais attaquer aussi. Et de peu attaquer, alors qu'il en a sans doute les capacités. Enfin, c'est pas le débat du jour. Deuxième, donc, Nairo Quintana, et sur ce Tour de Catalogne, il a noté la belle troisième place de Pierre Latour. De l'équipe AG2R, donc un Français en devenir, et on peut en parler en cyclisme. Il y a beaucoup de Français qui brillent et qui sont jeunes, et donc qui sont de bons espoirs pour la suite. Est-ce qu'il fait le Giro ou pas ? Est-ce que c'est lui le leader sur le Giro ou c'est Pozzo Vivo ? Pozzo Vivo n'est plus à AG2R. Il est parti à Bahreïn. D'accord, donc c'est probable que Pierre Latour soit leader sur le Giro, mais je n'aime pas l'équipe Pozzo Vivo. Ouais. Effectivement. Peut-être plus Mathias Franck ou. Mathias Franck, d'accord. Ouais, il risque de partager le leadership, mais Pierre Latour, effectivement, a réalisé vraiment une belle performance. Ça faisait longtemps, je crois que c'était Thibaut Pinot qui l'avait fait, mais ça datait de plus d'un an. Un podium sur une course par étapes. C'est surtout de Romandie, je crois, que Pinot avait un podium. C'est bien ça. Exactement. Moi, je voudrais réagir sur Latour, mais vas-y, finis, j'en parlerai après. Et enfin, les deux autres Français, justement, qui ont bien figuré sur ce Tour de Catalogne, c'est Thibaut Pinot qui fait 10e. C'est pas une très très bonne performance pour lui, mais c'est le début de saison. Je pense pas que c'est là où on l'attend, et puis il fait quand même une belle quatrième place sur l'étape de la cinquième place pardon sur l'étape de la Molina, qui était l'étape reine remportée justement par Alejandro Valverde devant la révélation Bernal de la Sky et le troisième donc Nairo Quintana, et la 12e place de David Gaudu, lui qu'on attend dès les classiques ardennaises, et qui est un tout petit jeune, encore plus jeune que Pierre Latour, et qui sera vraiment à suivre. Moi je vous le dis, il avait fini cinquième de la, c'était quoi, c'était pas les Jeux Bastogne-Liège ou c'est le mur, c'était la Flèche Wallonne, c'était Flèche Wallonne, ouais, sur le mur de lui. Il a gagné le Tour de l'Avenir aussi, Gaudu, et je crois bien qu'il a gagné aussi le Tour de l'Avenir, donc ce qui montre la puissance des jeunes Français, qui je pense ne peineront pas à confirmer, parce que vraiment il y a un fort potentiel. Et ensuite effectivement, dans cette semaine, il y avait surtout des classiques flandriennes qui seront celles qui animeront les prochaines semaines, avec notamment deux de grande importance, le GP E3 à Rahlbeek, et surtout Gent-Wevelgem qui terminait la semaine hier. GP E3 qui a vu la démonstration de la Quick-Step, d'ailleurs déjà vainqueur par deux petits jeunes aussi d'étapes sur le Tour de Catalogne, et qui a été remarquable sur le GPE 3, qui est vraiment cette course qui prépare au Tour de Flandre encore plus que Gent-Wevelgem, parce que le profil, je sais pas ce que vous en pensez, s'y prête beaucoup mieux. Carrément. Clairement. Et donc la victoire de Niki Terpstra, qui avait déjà remporté Paris-Roubaix il y a quelques années, et devant Philippe Gilbert, donc doublé pour la Quick-Step, et troisième place pour Greg Van Avermaet, qui se place aussi d'ici le Tour des Flandres, donc bravo à lui. Et puis venons-en au fait, le Gent-Wevelgem, première grande classique flandrienne, deuxième grande classique de la saison après Milan-San Remo, et la victoire du champion du monde, ni plus ni moins, Peter Sagan, qui a répondu présent, alors que certains le disaient un peu moins bien après son GP E3, mais il a montré voilà, toute sa puissance, tout son sang-froid aussi. Il est tombé sur GP E3, je crois. Il est tombé, du coup il finit 26e ou... Effectivement, assez, un truc une comme place ça. Assez anonyme. Et il voulait éviter une arrivée au sprint de Gent-Wevelgem, au final il est passé devant Viviani qui est l'homme en forme en ce moment chez Quickstep, et au final c'est le champion du monde qui gagne, qui est extrêmement déçu qui a lancé son sprint très tôt, et qui s'impose devant Viviani et démarre, je pense aller en venir, démarre qui finit 3e, et qui les Français qui ont été encore bons, parce que tu dis les démarres, mais aussi Christophe Laporte dont on parle jamais, qui finit 4e, qui est normalement le poisson pilote de Boigny. Ouais, bah ce serait bien s'il pouvait inverser les rôles, parce que celui-ci visiblement répond plus présent dans les grands événements, je crois qu'on est d'accord, Christophe Laporte. Ouais, j'ai l'impression. Ce qui douche un peu les espoirs, de s'il en restait encore, de voir Boigny remporter des grandes classiques ou des grandes étapes sur des grands tours. Ça va venir. Son nom viendra, c'est ton jamais. Boigny. Après, juste rebondir sur Démarre, c'est vrai que j'avais zappé qu'il avait fait 3e, mais je pense qu'il peut aussi vraiment faire un beau truc Bah, oui, c'est le seul français, sur, je pense. Peut-être pas sur le Ronde, parce qu'il y a ces petits monts pavés mais qui vont être compliqués. Mais sur Paris-Roubaix, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose. Et revenir sur Pierre Latour, que moi j'aime beaucoup. Alors, pour répondre à ta question, moi je pense qu'il sera sur le Tour de France. Je le vois pas leader sur le Tour d'Italie, même s'il en a les capacités. Il a déjà montré, notamment sur le Tour d'Espagne. Mais il sera très important pour Bardet dans sa quête du Tour de France, en montagne évidemment. On sait que l'année dernière, il avait un peu craqué en troisième semaine, mais c'est quelqu'un qui en montagne ne lâche rien. Ceux qui peuvent voir des images de sa victoire sur le Tour d'Espagne, ça vous le montrera. D'ailleurs, j'y pense. Vas-y. Non, c'est Géniez qui sera leader, je crois, du Giro. Ah bah voilà, c'est pas mal aussi, Géniez. Ouais. Juste, et pour finir aussi, il est quand même champion de France du contre-la-montre. Oui. Et il sera super important sur le contre-la-montre par équipe, Latour. Tout à fait. Donc, voilà. Et c'est aussi un jeune vraiment à suivre. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir 24 ans. 24 ans, c'est ça. Voilà. C'est vraiment un jeune à suivre pour les années à venir, là, qui joue son rôle d'équipier de Bardet. Mais dans les années après, ça peut vraiment être le coureur complet français. Voilà. Et donc, très, très brièvement maintenant, les gars, tout simplement, la question que j'avais à vous poser à Paul et Vincent, un favori à donner pour vous sur le Tour des Flandres et un sur Paris-Roubaix, d'autant plus qu'on ne l'a pas encore précisé, mais forcément, jour férié l'oblige, on ne sera pas là le lendemain du Tour des Flandres la semaine prochaine. Un favori pour le Tour des Flandres, un favori pour Paris-Roubaix. Compliqué. Alors, je pense qu'il y a moins de favoris qu'il y a quelques années. Même si pour moi il y a Gilbert, Van Avermaet et Sagan. Terpstra aime moins quand ça grimpe, ouais. Mais je pense que c'est les trois qui sont en grande forme en ce moment, et j'imagine un des trois. Alors moi je suis un fan de Sagan, donc j'espère Sagan, mais de même, donc je mets une petite pièce sur Sagan, surtout sur Paris-Roubaix. Objectivité. Ah tiens, mais tu vois, je l'aurais pas forcément pensé. Ouais, Sagan sur le Ronde, pourquoi pas. Même bien. Alors, ouais, non, peut-être plus sur le Ronde, ouais, du coup. Ouais, je sais pas. Sur le Ronde. Après, sachez que Vincenzo Nibali, sachez que Vincenzo Nibali va faire le Ronde. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Un grand champion. Le Fred Wiggins, c'est un peu quand il s'était mis au classique flandrien. Voilà. Je pense qu'il prépare surtout les pavés pour le tour, mais ouais. Voilà. Et pour Paris-Roubaix, je vois bien Démare. Je le vois pas sur le Ronde, parce que voilà, il y a le Paterberg, le vieux Quarmont, tout ça, ça va être pas mal compliqué à passer, surtout que c'est pavé. Mais sur Paris-Roubaix, si ça arrive en petit comité, s'il n'y a pas d'échappée comme l'année dernière, je pense que Démare. Voilà. Très bien. Donc, les Démare, Sagan. Voilà. Je donne juste les deux miens. Bon, pour moi, sur le Tour des Flandres, j'espère Peter Sagan. Greg Van Avermaet. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi à ce qu'a dit Greg Van Avermaet, ce grand champion qui a fini par gagner ses grandes classiques et le titre aussi de champion olympique il y a peu, et qui est vraiment dans une forme resplendissante de sa fin de carrière. Il a dit lui-même qu'il n'aurait pas réussi sa carrière de son point de vue tant qu'il n'aurait pas remporté le Tour des Flandres. Pourquoi pas cette année? Et enfin, je vois bien une grosse cote aussi, mais ce qui a tourné souvent autour de ces grandes classiques, Sepp Van Marck sur le Paris-Roubaix. C'est vrai qu'il tourne sur le Paris-Roubaix. Ou éventuellement, on démarre, on l'espère. Voilà. Ça fait un an déjà, l'an dernier, on l'a pas trop vu. Ou peut-être juste un dernier mot, Olivier Nassen pour AG2R qui peut tourner autour. Voilà. Très bien, on va terminer là-dessus, on va faire notre première pause musicale, c'est Axwell Ingrosso et c'est le titre Trimmer. Ah, heavy on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for, I looking for a home. You are not alone. I can be a stepping stone. Cause I promise you, I'm a dreamer too. Heavy on my feet, walking down a winding road. When it all counts for something, and your pocket's full of nothing, let's get high on believing. I can promise you, yes, I have a dream too. We are dreamers together, always and forever. Let's get high on believing. I can promise you, yes, I have a dream too. De retour sur Sport and Chill, c'était le titre Dreamer et donc c'était Axo et Ingrosso. Tout de suite, le sport montpelliérain. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Les gars, je vous rappelle que quand c'est rouge, c'est qu'on est en direct. On passe pas quoi au rouge. Allez, on commence avec le MHSC féminin cette fois-ci. Donc battu 2-0 à domicile par les londoniennes, efficaces et réalistes en Champions League. Les Montpellierens devront réaliser l'exploit pour, dans une semaine pour poursuivre l'aventure. Donc les buts de Chelsea, c'est pour G et Kubert. Il y avait 5291 spectateurs exactement à la Mosson pour ce match. Belle exploit. Une belle ambiance, j'ai trouvé, pour avoir vu le match. Et ça m'a fait plaisir qu'il soit médiatisé, qu'on puisse voir ces matchs de Ligue des Champions. Malheureusement, j'espérais bien sûr un autre résultat. Surtout que bon, Chelsea, je les ai trouvés supérieurs. Mais par contre, il y a eu des belles opportunités quand même. Il y a eu deux poteaux. Maîtrise de Chelsea, et franchement, victoire méritée des londoniennes. Et ouais, je peux vous dire que, étant été dans le public, je suis parti parce que j'ai vu. On a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles. Ça aurait pu être pire, ouais. Donc, ouais, ça va être compliqué quoi. Ouais, ça va être compliqué, surtout que ça va être à Londres la semaine prochaine. C'est pas à Stamford Bridge, hein, loin de là. Terminé, bonsoir. Ouais. Merci, au revoir. MHSC, c'est de donc, bons souvenirs, Stamford Bridge. Hein. Non, ce n'est pas Stamford Bridge, justement. Ah ouais, c'est de bons souvenirs. Les MHSC chez les hommes, du coup, c'était le match international. Donc, rien. Prochain match pour les MHSC, c'est en déplacement à Caen ce dimanche. Vous êtes dur avec les MHSC quand même. Il faut une bonne saison. Il faut une bonne ouais, saison. Ils n'ont pas fait match, je voulais dire plutôt. Ouais, ouais, c'est vrai, ça c'est plus logique. Le MHR, belle victoire. Très grosse victoire d'ailleurs du MHR ce week-end. Grosse victoire samedi soir contre Castres. 45-7 avec une première mi-temps. Je crois que c'est la meilleure mi-temps de Montpellier cette année. On a ultra dominé la partie, encore la deux essais refusés, mais on a fait preuve de puissance, de vitesse. On a bien alterné une charnière Pinard Stein à la baguette qui a parfaitement orchestré le jeu montpelliérain. Stein qui est beaucoup critiqué au poste de numéro 10 depuis quelques temps et qui a su répondre présent, peut-être boosté aussi par la présence du sélectionneur sud-africain en tribune. Mais même sur deuxième mi-temps, Montpellier a un peu plus subi parce que les Castrés sont réveillés. Je pense que Rio a passé une vilaine soufflante aux joueurs à la mi-temps, mais au final le score est assez fleuve, 45-7. Finalement, c'est un tarif maison pour les Castrés, avec 5 essais, donc doublé de Bismarck, Duplessis, un essai de Van Rensburg, un essai de Thomané et un de Sanga. Donc Montpellier plus que jamais leader, et il va falloir aller les chercher cette année. Non, ouais, c'est super, je trouve, vraiment, de la part de Montpellier. Et juste ce que je voulais signaler, c'est surtout la performance à domicile. C'est 53 points sur 55 possibles. Voilà, 9 points de bonus. C'est énorme et ça explique tout simplement cette première place. Ouais. Très bien, merci pour la petite anecdote. De la saison, ouais. Ouais, c'est record, non? Oui, sûrement, c'est ouais. Oui, oui, c'est, ouais. Dépasse le record, je crois, qui était détenu par Clermont, justement, qui passe au travers. Ah bon, ah bon, d'accord. Ah oui, je savais pas. Ouais, en termes de nombre de bonus offensifs, ouais. Bah, sachant que c'est pas fini. Ouais. Oui, c'est une sacrée perte. Ouais, tant mieux. Chez les féminines, donc victoire 30 à 13 du MRC, pour le plaisir de Guillaume, il aime bien que je le dise, contre le Stade Toulousain, donc 30 à 13, encore une belle performance, hein, des essais donc de Banet, Van Tournout et Morgan Perronnet, une belle victoire face au 3ème du championnat qui était donc le Stade Toulousain. Ça confirme la première place en championnat pour le MHR féminin. Prochain match ce dimanche 1er avril pour le championnat, mais pour le MHR féminin ça sera pas avant le 8 avril contre Lille ou Villeneuve-d'Ascq comme vous préférez. C'est à domicile pour le dernier match de la saison régulière avant les playoffs. Lille, match très important. Parce qu'elles sont deuxième. C'est la seconde meilleure équipe du championnat. Ouais, c'est toujours le gros match. Chez les hommes en tout cas. Au Belema, défaite du Belema 69 à 62, mais c'était en déplacement chez les premières, donc Bourges. Défaite tout de même là, et Montpellier est 6ème pour l'instant, donc et sera quasiment sûr en play-off. Si le Belema reste à cette place, elles rencontreront donc les 3ème, à savoir Charleville-Mézières. Prochain rendez-vous samedi 31 mars avec la réception de Nice au Palais des Sports de Latte. Il reste 3 matchs avec cette rencontre, donc là aussi ça se clôture. Au futsal, il n'y a pas eu de match futsal ce week-end. Prochain match ce samedi 31 à l'extérieur contre Toulouse. Ça va être important puisque c'est un concurrent à la descente. Le volleyball, victoire du Mavuc 3-7 à 0 dans le derby contre 7. Une victoire importante pour le classement dans les playoffs. C'est vrai, donc c'était face. Je crois qu'ils étaient face à Paris, puisque Paris était 3ème du championnat. Mm-hmm. Le problème, c'est que Paris a eu un problème administratif et du coup, la Ligue a sanctionné, donc ils ne participeront pas aux playoffs. Pardon. Ah, et du coup, ça. Chaque c'est équipe dur, qui était derrière monte d'une place. Une place ouais. Du coup, Montpellier risque de. Enfin, Montpellier va prendre Poitiers, c'est officiel d'ailleurs. Aller-retour, donc le 7 avril à Poitiers et le 14 à Montpellier. Moi, je trouve que c'est pas un cadeau. Au contraire. C'est clairement pas un cadeau, même. C'est là, vraiment. Ouais. Poitiers, c'est la grosse équipe de Liga. Mais on était qualifiés à la base? Bah on était qualifiés. On devait prendre parce que je sais plus combien on était. On était 6ème si je me trompe pas. Plutôt dans les dernières places qualifiées. 6ème. On devait prendre le 3ème. Sachant que le Paris qui était 3ème est éliminé techniquement. Ouais. Montpellier passe 5ème et du coup prend le 4ème. Le 4ème qui était Poitiers. Donc comptablement on est à peu près dans les places. Je veux dire les mêmes types de places. Mais bon, Poitiers c'est une équipe normalement qui est très forte en playoff. Et habituée. D'accord. À savoir que cette année, à Poitiers ou à Montpellier avait gagné deux fois. Ouais. Donc ils savent les jouer. En mode playoff ou en mode saison régulière. Ils ont été gagnés 3-2 là-bas et ils ont gagné 3-0. S'ils font comme au rugby, en mode playoff, attention quoi. Exact. En water polo, match nul contre Noisy-le-Sec, 11 partout. Match nul qui plie les chances de Montpellier au playoff. Au classement, Montpellier est malheureusement 5ème, car il faut être dans les 4 premiers. Derrière Nice qui prend la dernière place qualificative. Vous vous en rappelez de cette histoire de Nice qui avait eux aussi un problème avec la Ligue, pardon. Et du coup, ils ont arrêté leur championnat en plein milieu de l'année. Ouais, c'est scandaleux, ça. Et du coup, la Ligue, ils ont intégré. Du coup, Nice revient. Ils ont recalé à l'entrée de la boîte. Et non, sur recalé. VIP, hop, de plus, ça passe pas. C'est impossible. De plus, sur le site de la Ligue, Montpellier a des points de retard. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est décision de la Ligue, c'était écrit. Vu que la Ligue de water polo a une communication absolument désastreuse, on ne sait rien du tout de ce qui se passe. C'est comme l'organisation, quoi. Non, c'est les water polo. Du coup, le MWP, carotté. C'est dur, hein. Pas en playoff. Il reste cependant un match de la saison régulière si vous voulez voir du water polo cette année. Anecdotique, quoi. On a failli avoir l'interview aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent être ravis. Ils doivent être vraiment ravis de la situation. J'allais dire, si vous voulez voir du water polo, vous pouvez, mais pas du tout. C'est à l'extérieur et c'est à Tourcoing. Donc, si vous voulez Faire le deb, déterminé. C'est joli Tourcoing en plus. Oui, bien sûr. Il faut faire charmant comme toi. En voyage, là. Il y avait du marathon à Montpellier quand même, c'était le marathon de Montpellier. Et 6000 coureurs qui ont pris. Plus le marathon, mais. 6000 coureurs qui ont pris le départ de cette 8ème édition et victoire de Ala Iroued. Donc, je suis désolé si je prononce mal. Un Marocain, je crois, qui bat à la fois son propre record, mais aussi celui de la course en 2h16 et 34 secondes. Quant aux femmes, c'est la première place, c'était remportée par Beth Mutoni Karanja, qui est du King Kenyan, qui gagne en 2h39 minutes et 19 secondes. À savoir qu'il y a eu un record en semi-marathon également, avec, j'ai cherché partout le nom de cette femme, mais impossible de le retrouver, qui s'est imposée donc en 1h22 si elle minutes s'entend, hein, et 37 secondes. Voilà, si nous entend, qu'elle, voilà, nous, qu'elle nous passe un petit message. En tout cas, la salut. Le MHB en championnat, c'était victoire 34-29 à Saran, victoire de plus 5, victoire courte mais importante pour la course au titre. Montpellier reste toujours premier, on l'a dit tout à l'heure, et devra se frotter en Aix-en-Provence, qui était faire le résultat contre Nantes, donc faut faire attention, mais c'est à domicile à Montpellier. Et le grosse performance du week-end, c'était forcément c'était hier, 28-25 contre Barcelone. On l'a regardé de Vincent, je crois que Dimitri, tu y étais ou pas? Oui, et sacrée ambiance. Ambiance de feu. Toujours mieux, ouais. Est-ce que tu as un peu à parler du match, Vincent? Peut-être Dimitri pourra te compléter. Bah, je pense que j'en parlerai un petit peu aussi dans mon coup de cœur. Voilà, juste une grosse performance de Montpellier. Ça partait mal pourtant. Voilà, Trouchanovicius. Voilà, de Trouchanovicius aussi. Une grosse performance pour dire, je crois qu'ils ont marqué 12 buts Barcelone en 40 minutes. Donc je crois qu'il y avait 13. Oui, 13 par rapport à la mi-temps. Ils avaient 13 à la mi-temps, mais je crois qu'ils n'avaient pas marqué pendant 10 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a eu une deuxième période, une défense solide. Voilà, donc ouais, une défense, aussi, voilà, une défense de fer. Gérard qui s'est réveillé en seconde mi-temps. Écoutez, les espoirs sont permis. Défensivement, ça tient comme ça la semaine prochaine, il n'y aura pas une ambiance forcément de... C'était Derek Carillon le coach là pour le hand? Non, non, si non défense, ça sera mon coup de cœur. Donc non, pas Derek Carillon. Le coach du... rassure. Voilà, on t'aime Patrice du MHB. Et s'il y a une défense de fer comme ça, surtout qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts, et au hand, c'est comme au foot, il y a ce système de buts à l'extérieur encaissé qui compte. Donc s'il y a moins de buts, c'est mieux. Voilà. Donc si par exemple on perd là-bas 31-28, on sera qualifié. Ouais, donc là, c'est faveur à la défense, contrairement à. Moi, j'ai apprécié la performance de Guigou et de Kachnik qui ont répondu présent dans les moments difficiles. N'est-ce pas? Les deux vieux briscards ont été très performants sous les pénalties. 100%, rien à dire. Et ouais. Très bien. Montpellier qui joue un week-end Chelsea et Barcelone, quand même. C'est à noter, quoi. C'est quand même des grands noms. Ça arrivera moins pour les MHS. Masculin, en tout cas. Ça arrivera bientôt. Non, vraiment, c'est super de la part de Montpellier. Puis. Vous me connaissez, j'ai pas beaucoup de peine pour nos amis catalans. Et... Non, après, à côté de ça, je trouve que c'est aussi un beau symbole, et cette confrontation est intéressante pour autre chose aussi, c'est pour Ludovic Fabregas. Évidemment. Ludovic Fabregas qui réalise sa dernière saison à Montpellier, qui joue le jeu à fond et qui a vraiment envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition avec son club formateur de Montpellier, et qui rejoindra le FC Barcelone, qui est le club de ses racines, j'ai envie de dire, sachant qu'il est catalan. Dans les deux cas, il est gagnant. Ouais. Si on veut, mais en tout cas, vraiment, il joue ça à fond, et il a été là jusqu'au bout. Je crois que c'est lui qui marque le dernier but, non, si je me trompe. Qui a fait pas un bon match. Ouais, et il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match, et j'espère que le MHB, bien sûr, comme tous ici, ira le plus loin possible dans la compétition. Tu aurais dit la même chose si c'était Madrid en face? Oui, même pour le coup, là, tu me rassures. Ferveur locale et MHB dans le cœur. Allez. Le club de Madrid a disparu, donc. C'était juste pour le tester, quand même. On termine avec la grosse performance du week-end également, la deuxième grosse performance. C'est d'ailleurs le sweat que je porte ce soir. Fièrement. Oui, fièrement. Très beau d'ailleurs. Ouais, tu vois. Voilà. Ils ont bon goût. Sorte de cobra un peu. Viper, quoi, du coup. Pas faux. Allez, donc du coup, les Vipers, le devant plus de 1800 spectateurs présents donc à la patinoire Vegapolis, les Vipers de Montpellier se sont imposés 4 buts à 1 contre Toulouse. Deuxième victoire dans ces demi-finales, ce qui qualifie Montpellier en finale, du coup, et qui dit finale dit accession en D1. Accession à la poule super, enfin le championnat supérieur. Je rappelle encore une fois que la D1, ce n'est pas la première division, car c'est la Ligue Magnus. La D1, c'est des génies là. La D1, c'est techniquement la D2, du coup, dont la finale a lieu en ce moment aussi. Pas dominance. Magnus, d'ailleurs. Exact, avec Grenoble. Grosse performance donc des Vipers après leur belle victoire à Toulouse. Un premier tiers temps, par contre, mené avec pragmatisme et 2 buts au compteur. Puis le match s'emballe en deuxième mi-temps, enfin deuxième tiers-temps comme d'habitude dans le hockey, et malgré le pressing de Toulouse, Montpellier ne plie pas et marque même un troisième but. Et enfin, c'est la gestion dans le dernier tiers-temps pour qu'il s'impose 4 buts à 1. Moi, c'est la troisième fois que j'y vais à la Vegapolis, mais j'ai déjà regardé. Franchement, ceux qui veulent voir du sport spectacle, je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, les sports américains, généralement, c'est souvent du sport un peu plus spectacle. Ouais, sensationnel. Et je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment sympa. Après, il faut prendre un bonnet parce que il fait pas chaud à l'intérieur. Ouais, il fait vraiment froid. Ah ouais, par contre, Fait plus froid que dehors, donc. Ah ouais, okay. Donc, c'est l'immersion au Canada, quoi. En fait, exactement. Ouais, bah c'est obligatoire. Surtout que c'est le printemps maintenant. Et ouais. Du coup, non, je vous conseille d'y aller pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment intéressant. Puis la finale, elle opposera donc Montpellier à Chambéry au meilleur des trois manches. Deux matchs à Chambéry et un à Montpellier. Et c'est ce week-end à Montpellier, je crois, si je me trompe pas. Ah, intéressant. Du coup, voilà. Mais même si là, s'ils gagnent la finale, c'est juste pour le prestige, sachant qu'ils sont déjà montés. Donc en première division. Et courage les Bois en tout cas. Les Bois. Allez, on va passer à notre débat de la semaine qui va être sur la Formule 1. Jingle. Sport and chill, le débat de la semaine. Je fais un petit résumé de ce qui s'est passé en Australie donc ce week-end. Guillaume et rigole toute la soirée. Je suis joli, je sais pas pourquoi. Il a une empathie, ce garçon. C'est le Bois qui m'a lancé. Excusez-moi. Il est souvent comme ça. Je vais être plus triste sur l'affaire Père. C'est vrai. Allez, on passe donc à ce qui s'est passé ce week-end. Après une séance de qualification donc largement dominée par Lewis Hamilton samedi, Sébastien Vettel avait rappelé que les points se gagnaient ce dimanche donc en course. Chambré par le Britannique d'ailleurs en conférence de presse, l'Allemand a répondu sur la piste mais a bien été aidé par un coup du sort tout de même. Au 26e tour, suite à l'abandon de Romain Grosjean dont la Haas s'était mal placée sur la piste, la voiture de sécurité virtuelle a été lancée, donc tous les pilotes ont dû ralentir à 80 km/h. Et l'Allemand Vettel a alors profité pour rentrer au stand, ce qu'avait fait Hamilton 8 tours plus auparavant. Sauf que Hamilton étant bloqué derrière la voiture de sécurité, il a vu Vettel ressortir des stands juste devant lui. Hamilton a tout tenté donc pour essayer de revenir sur l'Allemand, mais avec des pneus moins frais et sur une piste où dépasser reste tout de même très compliqué. Il n'a plus jamais tenté la moindre attaque dans les derniers tours, certainement afin d'économiser son moteur. On en parlera tout à l'heure. Il a même complètement ralenti, laissant à Raikkonen l'espoir de faire mieux que troisième. Finalement, alors que Mercedes semblait intouchable en Australie, c'est Ferrari qui va repartir avec le sourire grâce à ce double podium. Valtteri Bottas, d'ailleurs, le coéquipier de Hamilton, parti 15e après son crash de samedi, n'a jamais été dans le rythme pour revenir sur les leaders et termine à une décevante 8e place. Déception également pour les Red Bull, qu'on espérait un peu mieux sur le coup. Daniel Ricciardo qui a sauvé la 4e place, mais Max Verstappen n'a pas pu faire mieux que 6e, battu par McLaren de Fernando Alonso. Alors, première question. Est-ce que je peux juste rebondir sur quelque chose, parce que ça va concerner aussi la saison. En qualif, Vettel a dit que Hamilton avait utilisé un bouton magique. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Et j'aurais aimé avoir ton avis. Est-ce que ça s'est vu en course, enfin du moins sur la première partie de course où Vettel était derrière Hamilton? Et est-ce que tu crois à ça, ou est-ce qu'il peut juste l'utiliser en qualif pour être devant en pole? Qu'est-ce que c'est que cette histoire du bouton magique? Je pense que c'est une qualif, c'est un test qu'ils font. Je l'ai remarqué sur la ligne droite, notamment en Australie, qui est assez longue. Et c'est vrai que quand tu regardes les images, on a l'impression qu'Hamilton a une voiture très rapide. Bon, la Mercedes est très rapide en temps normal. Oui, mais il a quand même mis 6 dixièmes à la Ferrari sur un tour. Ah oui, c'est impressionnant. Et en plus, sur les réactions ils ont été assez fous sur ça, parce qu'apparemment ils avaient plus ou moins informé la FIA sur ce dossier là donc c'est assez bizarre, et forcément ça fausse un petit peu la qualif, parce que bon, certes il était très rapide, mais bon, là il a quand même gagné quelques secondes grâce à ça, donc ça, je pense qu'il va enquêter dessus, mais c'est vrai que c'était assez trop. Mais on sait un peu ce qu'il en est exactement, parce que ça paraît un peu fou, c'est très fou quoi. Ils en ont parlé un petit peu, moi je regardais devant la télé, ils en parlaient, mais bon, c'était assez évasif quoi, parce que du coup tu peux leur laisser le bénéfice du doute en disant de toute façon ils ont la meilleure voix, ça va fuser. Mais le problème, c'est que là, on a vu quand même qu'en course, c'était quand même marqué. Vettel a réussi à le dépasser dans les circonstances que l'on sait, avec certes un petit peu de chance, mais quand même, Hamilton n'avait pas énormément d'avance comme il a pu avoir, donc que forcément, la voiture n'est pas si performante sur les longs relais, ce qui peut. La Mercedes aura beaucoup moins de marge, je pense, que l'an dernier. Alors que Ferrari a une voiture qui progresse vraiment, on l'a encore vu ce week-end. Au contrario, Mercedes, une voiture qui est qui est toujours au-dessus, mais moins. Donc, quand on voit aussi qu'il y a un Bottas qui est en, quand même en difficulté, qui est un numéro 2, mais pas si convaincant que ça, cette année, Mercedes peut avoir plus de complications pour le titre des constructeurs et même pour le titre des pilotes, parce qu'on voit que Vettel répond en présent dès la première course. Allez, donc ma première question, on parlait justement de Vettel et Hamilton. Même podium qu'année dernière en Australie, donc même place. Est-ce que cette année, on se retrouve sur les mêmes configurations, sur un duel Hamilton-Vettel ? Avant de parler des autres, surtout parler de ces deux-là. Pour moi, oui. Parce que on en discutera, mais déjà les voitures font 80% du boulot, donc on n'aura pas de Haas ou de Force India champion du monde. Voilà. Non, donc il y aura effectivement sur la saison des troubles faits. Verstappen, Ricardo. On en parlera un petit peu après. Voilà, pourquoi pas des... Donc pas de gros gens sur le podium. Voilà, là il a manqué le coche aujourd'hui. Pourquoi pas, mais voilà, je pense que ce sont les deux leaders des deux plus grosses écuries, donc de facto, à part si voilà, il y en a un qui se plante et on pourra peut-être voir émerger le deuxième de l'équipe, peut-être un Raikkonen si Vettel se plante ou un Bottas si Hamilton se plante. Mais vu que les voitures font 80%. Raikkonen a été pour moi plus rapide que Vettel. Oui, mais sauf qu'il y a un problème technique, je crois. C'est mon regret. On va essayer de parler de la Formule 1 de cette saison, peut-être pas parler de la course. Ça, en soi. Okay. Ça relance le débat. Après, juste pour rebondir, parce que pour Raikkonen, c'est intéressant ce que tu dis, mais Raikkonen, malheureusement, il est numéro 2 dans l'esprit de Ferrari. Ça fait plusieurs années que ça dure. Moi, je le regrette parce que je pense que. C'est un super pilote. C'est un super pilote et pour moi, il est même meilleur en termes de pilotage pur que Vettel. Même si Vettel est plus précoce, oui, il y en a quelques-uns, mais voilà, vu que la voiture fait beaucoup et que Vettel est la star de Ferrari. Oui, voilà, c'est pour ça que forcément on aura ce duel-là, parce que déjà ils ont les deux meilleures bagnoles, et puis dans la tête de l'écurie, voilà, le numéro 1, le chouchou, c'est Hamilton, et le numéro 1 chez Ferrari, c'est Vettel, donc forcément ils seront amenés à se confronter, et après qu'on le veuille ou non, même si je suis assez d'accord, Raikkonen est un meilleur numéro 2 que Bottas largement, et même Raikkonen pourrait être au moins aussi bon pilote que Vettel, ça reste les deux plus titrés de tout le championnat. C'est ce que j'allais dire, forcément, plus d'expérience, ouais voilà, non, mais après en termes de résultats, c'est ceux qui ont l'expérience quand même le plus remporté de championnat, et la régularité, et surtout la capacité à gagner le plus de grands prix sur la saison et à se jouer effectivement ce nombre de grands prix en fin de saison, alors que les autres risquent peut-être d'avoir que des miettes. Moins de régularité. Est-ce que le classement final sera encore plus serré que l'année dernière ou... Ouais, c'est ça, on aura un vrai duel et pas juste un cavalier seul d'un des deux. Bon, on l'a eu l'an dernier, hein, le duel. On l'a eu jusqu'à un peu plus de mi-saison, jusqu'à Monza à peu près. Ouais, je pense que c'est à Monza que ça craque justement. C'est à Monza, c'est terrible. C'est symbolique pour les Ferrari. C'est terrible, mais je pense que oui, on aura un beau duel parce que si la Ferrari. Alors, c'est toujours difficile, mais ils ont fait des très bons essais hivernaux. Mais bon, ils en avaient fait aussi des très bons l'année dernière. Au final, ça n'avait pas. Peut-être que la Mercedes avait plus progressé dans l'année, mais je pense que oui, ils peuvent vraiment faire vraiment avoir un beau duel à poursuivre. Oui. Au niveau, donc, on parlait des outsiders, est-ce que quelqu'un peut tirer son épingle du jeu? Donc on parlait des seconds chez Ferrari ou Mercedes, donc Kimi ou Bottas, voire même chez les Red Bull, Verstappen ou Ricciardo, le jeune qui monte en puissance, je trouve. Moi je préfère dernièrement, peut-être, là on l'a vu, Alonso qui peut refaire quelques peut-être résultats, peut-être, ou pas du tout. Chez Alonso et chez quelle écurie déjà? Et McLaren. McLaren. Ouais. Bah, il a l'air d'avoir une meilleure voiture cette année, donc déjà c'est quand même plus emballant. Ouais. Après, on sait qu'Alonso, théoriquement, moi je pense que c'est un des meilleurs pilotes encore à l'heure actuelle. Je pense que c'est le meilleur. Ouais, pour le peut-être coup, même le meilleur, pour malheureusement le coup, sur le les meilleur, dernières années. Ça me fait pas oui, forcément. Techniquement, oui. Techniquement, je suis pas spécialement fan, mais je pense qu'il y a pas. Le problème, c'est que les dernières années, il avait une voiture qui était en dents de scie. Là, il a l'air d'avoir une voiture meilleure, bien sûr, largement en dessous des Ferrari ou Mercedes. Mais oui, il aura un petit rôle à jouer en outsider. Après, moi j'aime beaucoup Verstappen parce qu'il a une vraie fougue de la jeunesse qui me plaît, parce que c'est souvent certains grands champions qui l'avaient beaucoup trop, c'est vrai, mais il apporte un petit peu de fraîcheur, alors que il y a beaucoup de pilotes qu'on revoit depuis des années qui on sait qui seront en haut, on sait qui seront moins bien parce qu'ils ont moins bonne bagnole. Lui, on sent que même s'il a une voiture de qualité quand même, il est capable sur des grands prix souvent de se mêler à la bataille et de surprendre. parfois trop fougueux, ça c'est sûr, mais il y a un vent de fraîcheur chez lui qui me plaît, il y a des vraies ambitions, donc voilà, je demande à le suivre encore plus, quoi. Vas-y Dimitri. Donc pour moi, je suis d'accord avec vous deux, pour moi Alonso, Ricardo et Raikkonen sont les trois qui, pour moi, les trois outsiders. Oui, donc, sans surprise, oui, ça sera de aujourd'hui. Ce sera les trois outsiders. Et pas Bottas, non? Bottas, je crois pas. Ouais, il est un cran en dessous de Ricardo ou Raikkonen largement. Le problème, c'est qu'après, il a la voiture aussi. Après, il a une super bagnole, c'est ça le problème. Mais en termes de pilotage pur, honnêtement, pour Mercedes, je pense que s'ils avaient ne serait-ce que, ben, comme on dit, un Ricardo ou un Verstappen ou même Alonso en numéro 2, et ça serait beaucoup mieux. Après, moi je vois plus un Ricardo par exemple qu'un Verstappen. Je le trouve plus mûr dans sa conduite. Il est bien plus posé. Alors c'est vrai que là c'est pareil, je sais pas s'il y a un numéro 1, un numéro 2 qui est clairement établi chez Red Bull. Mais c'est plus serré là. Hein. Voilà, je pense que Verstappen, du fait voilà, de. Plus jeune, ça va amener à être la future star des paddocks. Mais je pense quand même que Ricardo, puis on le voit l'année dernière, il fait quand même une meilleure saison. C'est le seul qui. Mais à l'heure actuelle, il est plus stable comme pilote, ça je le conteste pas. Quoi. C'est le seul l'année dernière qui gagne des courses à part Bottas. Non, il est très régulier. Hamilton. Puis le personnage est super. Donc, oui. Ok, donc on passe chez les Français. On va faire un par un, mais on verra si on peut parler de tous. Surtout qu'on va parler surtout des nouveautés de cette année, sur tout ça qui est intéressant. La France, d'ailleurs, c'est la seule nation qui a le plus 3 pilotes. Il y a Leclerc en Monaco, je sais pas si on peut dire. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai inclué. Je sais pas si on peut dire. Et du coup, donc. Un Français, est-ce que la non-régularité peut-être ou peut-être un peu plus la fougue, on va dire l'excès de fougue chez Grosjean, ça sera son plus grand défaut. Est-ce qu'il peut aller chercher des belles places cette année avec une voiture même parler d'un peu de sa voiture, si elle est correcte ou pas cette année pour lui. Ça a l'air mieux déjà. Le problème normalement c'est qu'elle avait l'air mieux, mais bon, on va vous dire ça. Et puis ils ont eu deux pas de moteur ce week-end, donc, alors que les deux pilotes étaient 5 et 6 quoi. Après c'est un premier Grand Prix, ça reste un premier Grand Prix. D'ici 5 Grands Prix on pourra faire un bilan déjà. Oui, la voiture va évoluer, je pense, cette année elle est quand même mieux que l'an dernier. Là bon, c'est quand même un dommage, mais je pense que sur l'année elle sera mieux. Après Grosjean, voilà, s'il a une bonne voiture, c'est un pilote qui est très propre. Après je pense qu'il a loupé son peak time, enfin le moment phare de sa carrière avant. Là il pourra faire quelques bonnes perfs, mais là bien sûr on a envie de voir sur l'avenir avec Ocon, Gasly et Leclerc aussi. Mais moi j'étais quand même déçu d'Ocon qui fait un Grand Prix au final assez moyen. J'ai trouvé il n'a pas été rapide, la Force India est pas l'air d'être bonne par rapport à l'an dernier. C'est terrible de se dire que tout se joue sur la voiture, quoi. Et du coup, mais là, c'est marqué. Ça va être compliqué de confirmer sa belle saison. Et à mon avis, il fera pas mieux que l'an dernier parce que, ouais, comme dit Vincent, la voiture est quand même moins bonne. Et lui, bon, c'est un bon pilote, mais il peut pas non plus en faire des milliers de cents d'une voiture qui est quand même très moyenne. Donc, à mon avis, ouais, il fera pas mieux que la 8e place de l'an dernier. Et après, bon, ben, Gasly et Leclerc, ils ont des voitures, c'est leur première année, ils ont des voitures très aléatoires, donc ça sera très compliqué de jouer des rôles intéressants. Encore. Mais ils apprennent, et Leclerc, il peut être intéressant. Bon, alors, il est pas français, mais il faisait partie du Team Ferrari. Du Team Ferrari, donc c'est quand même un signe encourageant. Comme Jules Bianchi, ouais. le regretté. Ouais, ça prouve qu'ils ont un œil sur lui. Après, mais ça prouve qu'ils ont un œil sur lui, qui peut-être s'il progresse petit à petit et que ça sobeur, il pourra peut-être gravir les échelons un jour, mais bon, il faut du temps, quoi. Très bien. Avec Alfa Romeo du coup, non? Oui, Gasly c'est sober, je l'ai confondu. Gasly c'est sober, hein. Non, il est chez Toro Rosso, non? Toro Rosso. Gasly, ouais. Moi, je confonds tout là. Je me suis perdu. Il y a tellement de nouvelles écuries, Alfa Romeo. Oui, parce qu'Alfa Romeo, c'est un partenariat. Ouais, c'est ça, ouais. Avec Honda, je crois, ouais. Non. N'hésitez pas, les autres chroniqueurs, si vous voulez réagir, parce qu'il y a. On continue dans le français. Renault qui démarre difficilement, quand même, même si on attendait quand même une voiture plutôt correcte cette année. Mais ils motorisent McLaren cette année. Oui, là, c'est, du coup, voilà. C'est du solide, ouais. J'ai lâché là, c'est donc à attendre un Renault, ouais. Alors, là, donc il motorise Fernando Alonso. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il a gagné son premier titre. Indirectement, ils ont fait cinquième, alors tu veux dire, c'est ça? D'une certaine manière. Et Fernando Alonso, s'il faut rappeler qu'il avait remporté sa première victoire, même ses victoires. C'est deux victoires avec Renault. Avec Renault, bien sûr. Évidemment. Ça rappelle les plus belles heures. Alors, donc, je vais parler un peu des nouveautés de cette année. Et puis, c'est quelques infos. Si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas. C'est pas obligé. Donc, deux pilotes vont faire leur début. C'est Sergei Sirotkin à la place de Felipe Massa. Donc, et le Monégasque, on en parlait parlait Charles Leclerc chez Sauber. Ah, voilà. Alfa Romeo Sauber, c'est ça. Voilà, champion en titre de Formule 2. Oui. D'ailleurs, ouais. Tout comme Gasly. Non, Gasly, c'était Formule. Tout comme Ocon, non? Ou ouais, Ocon, oui. Ouais, mais Gasly, c'était les formules au Japon, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y aura aussi donc Brandon Hartley, vainqueur des 24 heures du Mans l'an dernier, qui sera l'équipier de Gasly, justement, chez Toro Rosso. Mm. Au niveau des circuits, la principale nouveauté, c'est le retour du GP de France, circuit Paul Ricard, après 10 ans d'absence. La course aura lieu le 24 juin prochain, une semaine après les 24 heures du Mans, d'ailleurs. Ah. Pas de réaction dessus. Bon, si, c'est, bah, c'est une très bonne nouvelle, j'essaierai d'y être. Et puis en plus, c'est un très beau circuit. J'ai déjà vu à l'époque. Donc voilà. Puis c'est bien, ça crée une émulation. Il y a trois Français. Ouais, il y a trois et demi, comme on dit. Ouais, trois et demi. Bon, en plus, Leclerc, il est vraiment pas loin. Donc, Ouais, ça va être un rendez-vous à suivre. On espère. Comme tous les monégasques, il est français quand il gagne, surtout. Oui, c'est ça. Bon, pour l'instant, il n'est pas français alors. C'est vrai qu'on a tendance à dire ça. C'est pas très étonnant, vous me direz. Juste question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous pensez aussi que le fait qu'on ait le retour d'un Grand Prix de France qui n'était pas arrivé depuis 2008, comme tu l'as dit, avec Magny-Cours à l'époque, va permettre aussi de refaire partir un peu cet élan médiatique en France, au-delà du fait que bien sûr ce n'est plus une chaîne disponible pour tous. On en parlera après, surtout. Après, je pense que c'est aussi au niveau mondial que la Formule 1, malheureusement, on en parlera. Mais il y a tellement de nouveautés depuis des années qu'il y a niveau mondial, ça prend moins. Et surtout, il y aura des. C'est peut-être ça que tu allais dire, Flo, mais ça va être diffusé en clair, le Grand Prix. Exact. Canal+ a prolongé le contrat et la chaîne va diffuser la Formule 1 jusqu'à 2020. Cependant, TF1 va aussi retrouver la F1 cette année. Quatre courses seront diffusées, donc le Grand Prix de Monaco, le GP de France dont on parlait, et deux autres qui doivent être encore déterminés. C'est super. Ouais, clairement, ça va jouer un rôle sur l'engouement qu'il va y avoir pour la F1, parce que quand t'as que des chaînes payantes et là d'un coup t'as une chaîne claire qui va repasser, un peu plus de promos, t'as trois pilotes français qui sont engagés. Plus un monégasque. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais de ce qui m'a été dit par des vrais passionnés de F1 aussi, la nouvelle diffusion sur Canal, pour le coup, a permis d'apporter autre chose, une diffusion de plus grande qualité. Par contre, effectivement, pour le grand public, le fait que ce soit pas axé sur une chaîne qui est gratuite, non pas publique mais gratuite, était assez problématique. Je sais que je suis... C'était quand même des traditions quand même de se lever le matin. C'était la messe du dimanche, on faisait un moment. Puis ça ne fait pas forcément partie des sports que je regarde le plus régulièrement, mais que j'ai quand même plaisir à voir, à suivre. Et puis voilà, j'avoue qu'étant moins F1, depuis que ce n'est plus diffusé sur une chaîne gratuite, j'ai l'occasion de le voir que plus rarement, et c'est vrai que ça nuisait un peu à la médiatisation générale, alors qu'on a eu quand même des belles saisons aussi. Il y en a beaucoup forcément qui n'ont plus pu suivre la F1 quand c'est passé sur Canal. Alors après, sur la qualité du... c'est Canal, c'est pas mal. Moi, j'avoue que je suis pas un grand fan de Canal à la base. Rendez-vous au premier virage. Plus les sport, chroniqueurs quoi. Et tout, non, non plus. Moi, c'est il y a que Arte, moi. Mais c'est vrai que la qualité est bien faite. Mais après, voilà... Comme tu dis, l'avantage, c'est d'avoir la diffusion quand même du Grand Prix de France, quand même, qui va être énorme avec et de Monaco. Qui sera bien rempli de Monaco avec tous les Français qu'on a cette année. C'est vrai que ça a apporté un petit quelque chose à la F1 en France déjà. Allez, on termine les nouveautés de cette année, sinon on n'aura pas le temps de tout parler. Surtout qu'il y a des trucs très intéressants. Carénage, peut-être pas celui-là. Ouais, voilà. Ouais. Avant les départs, donc les pilotes n'auront plus de grid girls devant les voitures. Et ça, c'est la vraie info finalement. C'est la plus dure, ça. Mais des grid kids. Pas d'intérêt quoi. Juger sexiste. Du sexisme à la pédophilie finalement. Rien de... C'est pas non plus. Soyez la pacte. Ocon d'ailleurs était déçu de cette nouvelle là. Vu qu'il vient d'arriver en F1 officiellement, il y avait un peu dégoûté. Il a savouré pendant quelques grands prix. C'est déjà sur les mi-temps celui-là. Ils sont remplacés par des enfants, donc sélectionnés parmi des apprentis pilotes et des passionnés de F1. Donc c'est bien pour les gosses. Oui, c'est mieux. C'est mieux au final. Dans le règlement, donc, la principale nouveauté est l'arrivée du halo pour mieux protéger les pilotes. Ce dispositif composé de trois montants qui se rejoignent devant la tête du pilote renforcera la sécurité en cas d'accident. Son esthétique suscite d'ailleurs de nombreuses critiques. C'est très moche. Par contre, j'ai été surpris. Verstappen a dit que c'était une tongue. Ouais. C'est sur le plan esthétique, si vous voyez, c'est assez moche. Par contre, il y a toutes les interviews de pilotes. Bon, ils ont été consultés évidemment avant. Apparemment, ça ne les gêne pas. C'est ce qu'ils ont dit. La première réflexion, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bordel, c'est au plein milieu, t'as une grosse barre en. Genre que t'es dans un stade et t'as un pylône devant. Un pylône devant, je me suis dit, mais comment Mais apparemment, c'est calculé pour que ça ne les gêne pas entre les deux yeux. J'étais surpris, mais en tout cas, ça les dérange pas. Alors que moi, même pare-brise, ça me dérange. Alors là, tu fais du vélo, quoi. Ouais, ouais, vaut mieux. Du coup, c'est une bonne chose, enfin, ce halo, parce que je pense que c'est en réaction à ce qui arrivait à Jules Bianchi. Ouais, ouais. Enfin, pour la sécurité, et, oui, c'est mieux. Voilà. Après, je sais pas, Verstappen, il a dit aussi qu'il fallait un peu laisser libre cours. Je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'il dit pour une fois. C'est vrai que ça fait bizarre de voir un halo comme ça sur des voitures. Ouais, et c'est vrai que c'est des pilotes professionnels. Il faut peut-être pas forcément dénaturer ce sport, mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec Bianchi, enfin, ouais, c'est normal. Moi j'y pense à chaque Grand Prix. Je regarde la plupart des Grands Prix, je les regarde, donc des fois j'en rate un peu dans la. C'est trop tard, trop tôt, ouais. Ou parce que j'ai pas canal, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un accident ou un truc. Je pense à Bianchi à chaque départ de Grand Prix en me disant faites qu'il se passe rien, quoi. Faites qu'il se passe rien. Et si ce halo peut protéger, ma foi, pourquoi pas. Même si ça n'est pas arrivé non plus. Non, sur les nouveautés, honnêtement, qu'il y a depuis les dernières années, c'est pas celle que je regarde le plus. Oui. Si c'est pour la sécurité, ça me dérange pas. C'est des doses. Celle qu'on regarde le plus, c'est peut-être la dernière info, c'est le règlement sportif aussi qui évolue. C'est le nombre de moteurs pour la saison est revu à la baisse. Certains éléments du groupe propulseur sont limités à 3 exemplaires et les autres à 2. L'an dernier, les pilotes disposaient de 4 groupes propulseurs. Déjà que c'était pas assez, ils en enlèvent encore. Quoi. Et du coup, ça joue un peu sur la course. Vincent, tu m'en parlais. Alors, moi, j'ai pas vu le Grand Prix, mais mon père m'a fait un petit, résumé. Et en fait, il m'a dit que c'était assez drôle parce que vu qu'il fallait économiser le moteur, donc tu avais par exemple, mettons Vettel qui était devant, donc qui accélérait pendant 3-4 tours. Puis après, calculer. Donc voilà, il faisait un écart avec Hamilton. Puis il calculait. Donc ce qui fait qu'Hamilton, boum, pendant 3-4 tours, accélérait comme un dingue. Ça, vu que Hamilton, pareil, il calculait, à un moment, il ralentissait. Donc Vettel repartait devant et ça n'a fait que ça pendant. Ça, c'est un truc qui peut vraiment tuer ce soir parce que le charme de la F1, c'est de toujours espérer doubler le prochain, quoi. C'est ça. Alors que là, on va te dire ouais là il est trop loin, je pense que ça va être trop juste, tu gères ta course, alors que l'avantage c'est que même s'il est loin, tu te dis avec les pneus et tout je vais peut-être pouvoir le rattraper. Ça, là on va beaucoup plus calculer. Puis ça s'ajoute à ce qu'il y avait eu il y a quelques années, c'est les 100 litres d'essence par Grand Prix, où maintenant donc tout est calculé pour vraiment arriver à la goutte près d'essence, et économiser le plus plus tu mets d'essence, plus ta voiture est lourde, donc elle va moins vite. Donc ils mettent le minimum d'essence pour pouvoir finir le Grand Prix. Du coup, ça calcule de partout. Et on ne laisse plus cours à l'instinct des coureurs. Et ouais, ça donne des courses plus en plus bridées, quoi, malheureusement. Ça donne des courses comme ça. Alors, comme me disait mon père, qui lui aussi est fan de Ferrari, il me disait, Vettel a gagné, tant mieux. Mais au final, il se fait chier, quoi. Désolé, mais... Non, mais sur certains Grands Prix... on peut conclure sur ça. Dans ce cas de configuration, ça va être assez chiant. Et tu peux, en nouveauté aussi, tu peux mettre le stop-car virtuel aussi, qui est un truc assez incroyable. Ça y était, le... Non, c'est la première année. Non, c'est la première année, ça. Ouais. La virtuelle safety car ? Ouais, pas sous format, quoi. Non, là, c'était... Il y avait une partielle, tu sais, ils rejoignaient après. Là, ils l'ont vraiment tenu pendant un ou deux tours, je crois, le virtuel. Ah d'accord, ok, c'était par secteur. Malheureusement, je crois que même pour des choses comme ça, on peut redémarrer à l'arrêt presque, si je ne me trompe pas. Alors que les années précédentes, on ne pouvait pas, mais là, les pilotes peuvent s'arrêter et redémarrer. C'est dingue, la Formule 1 perd de son intérêt partout dans le monde, et on fait des réformes. Ils font tout pour l'enfoncer, on dirait des fois. C'est incroyable. Après, avec Eccleston. Ouais, c'est ça, non mais tout à fait. Allez, merci Eccleston. On termine là-dessus, et on va passer à notre deuxième pause musicale car on est très en retard. C'est encore un titre FIFA, je suis désolé, c'est Madeon et le titre pas si mal. Final Time. chance. Last summer, your last dance, to beat your own drummer. Go out fighting, go out young. A flash of lightning clips the sun. De retour sur Sport and Chill, c'était Final et c'était Madeon. On passe tout de suite à la parole aux Chillers, Frenchy. La parole est aux Chillers. Et on va commencer par Guillaume qui décidément parle tennis. Beaucoup ce soir, mais il parle tennis avec Benoît Paire. Voilà, j'ai essayé d'être mesuré et de pas trop m'emballer sur son sujet. J'ai essayé d'être objectif. Non, mais je suis objectif, attends. On va voir. Sur lui, c'est difficile d'être objectif en fait. On va voir, j'attends que tu parles. Ben attends, patiente, tu me laisses parler même. Ouais, c'est bon. Vas-y. Non, c'est. Écoutez, j'étais content qu'il gagne Djokovic parce que voilà, c'est un Français qui fait une perf comme ça. Bon, même si Djokovic en ce moment, évidemment, c'est le fantôme qui est là. Mais je suis retombé malheureusement encore sur des vidéos où à Miami, je sais plus quel adversaire il le critiquait. Le problème, c'est qu'il est même pas sûr quoi. Il commence à me dire que c'est Indian Wells. Donc, Non, j'ai dit Miami, c'est toi qui m'as mis dans le doute en fait. Sois vraiment courageux. Moi, non, mais. Ah, mais bon, enfin, en tout cas, je vais regarder les petits flashs de résumé du tournoi de Miami sur Eurosport et ils ont remis une séquence où Benoît Paire critique le jeu de son adversaire, dit encore que si lui il joue un peu mieux, il n'y a pas de match ni rien. Et c'est un truc qui m'agace parce que pendant un moment ça me faisait guère en fait. Qui disent voilà, je joue comme une bille et tout. Mais quand il commence à critiquer l'adversaire, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire qu'il y a. Pourtant, le tennis, c'est un sport, tu le sais, Tim, quand même de respect et de valeur. Je pense que tu es d'accord avec ça. Et moi, je trouve qu'en faisant ça, il ne respecte pas du tout l'adversaire. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, j'ai comme juste un doute sur cette vidéo. Non, mais je te la prouve. Il avait déjà fait ça, alors c'est pas pour défendre Guillaume, mais il y avait une vidéo face à Tomia, c'est ça? Non, mais je face à Tomia, il me semble, à Monte Carlo. Mais je ne ressors pas une ancienne vidéo, Tim. Je suis pas. J'ai vu sur le truc Miami 2018. Donc, je te demande de me faire confiance, je sais que t'as du mal dans la vie, mais. mais voilà, donc. Ça, alors, au début, ça me faisait rire, maintenant, ça commence vraiment à m'agacer parce que l'image que donne ce mec, en fait, elle est assez très négative pour notre sport et notre pays aussi, quoi. Parce que les gens se disent, mais t'as vu ce compte français, comme il est arrogant et tout, il critique l'adversaire, il dit que voilà, il fait les coups par chance, qu'il joue mal, que si lui, en plus, joue mieux, il le balaye, mais joue mieux, garçon. J'ai envie de dire, t'es pas fait d'erreur pour parler comme ça, tu vois. Donc, ah, ça c'est sûr. Hein. Occupe-toi de ton coach, Guillaume. Occupe-toi de ton cas, essaye de progresser parce que t'as fait des années qu'il stagne, ce mec. Alors qu'il prétend avoir un niveau, je sais pas lequel, mais il stagne et il évolue pas. Il a eu son peak time il y a deux ans. Là. Il est en perdition, mais. Ouais, il est en régression peut-être. L'apogée à Montpellier. L'apogée, ouais, c'est dire. Donc moi, j'aimerais qu'il s'occupe de son cas et qu'il respecte les adversaires. Ça serait déjà mieux pour lui et pour l'image du tennis français. Parce que honnêtement, chaque fois, ça commence à me mettre mal à l'aise maintenant quand je le vois sortir comme ça. Attends, c'est quand même le numéro 1 à Avignon. Hein. Ouais, ouais, alors, mais tu vois, voilà, tout est relatif. Quand on connaît les frasques du poulet et son niveau depuis les dernières années, il n'y a pas de quoi avoir une pastèque comme ça. Je ne vais pas le défendre, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, que le tennis est un sport de valeur, de respect, d'humilité dont il manque, mais je crois qu'aussi en ce moment Benoît Paire il est excédé par une chose, c'est son corps qui est en train de le lâcher. Il joue quasiment sous infiltration avec ses blessures au dos et alors qu'il joue pas. Comment ? Qui joue pas s'il a des problèmes au dos. Oui, et puis qui n'insulte pas et critique pas les adversaires aussi, c'est pas la raison. Prends-toi-en à toi. C'est un peu paradoxe, voilà, je pense que ça l'a plus desservi dans sa carrière d'avoir cette attitude là. Mais bien sûr. Ah bah, bien sûr, alors, on sait que le tennis c'est l'un des sports les plus mentaux qui existent. Donc, Non mais moi je sais que parce qu'il est passé par mon club là, c'était de Montpellier, et moi toutes les anecdotes que j'ai sur lui, c'est déjà le mec qui commençait le tennis, il avait déjà une pastèque énorme quoi. Alors qu'il était jeune, avait encore rien prouvé, encore moins que maintenant, et il avait déjà un état d'esprit vraiment détestable. Et de ce que j'en sais, même dans la vie. Ça a empiré, hein. Même dans la vie, mais ça m'étonne pas. Bah, quand tu vois combien il respecte les adversaires. Il avait dit que le gazon c'était pourri à Wimbledon, un truc comme ça. Ouais, non, mais il respecte rien, c'est ce qui me dérange. C'est qu'il a critiqué plutôt. Ouais, ou ça. Critiquer Wimbledon, ça. On dirait vraiment un footballeur qui joue au tennis, quoi. Ça me désespère. Allez, deuxième coup de cœur, enfin du coup le premier coup de cœur, c'est Patrice Canaillet, l'entraîneur du MHB. Ouais, donc essayer de faire un peu vite, je crois. Parce qu'il y a le coup. En effet. Donc on en discutait hier, toujours avec Flo, et c'est vrai qu'on se disait que Patrice Canaillet, même à l'instar de Mickaël Guigou, étaient deux personnalités dans le hand qui étaient sous-cotées. Alors ça choque un peu de dire ça, mais... On se choque pas, non. Ils sont sous-cotés. C'est vrai. Mmh. Ouais. Ah oui, tu prends carrière qu'il fait quand même. Par rapport à un Luca Ballo, par exemple, où tous les médias. Alors, Luca Ballo, oui, c'est Elastic Man, machin, machin. En plus, il joue au PSG, donc vous pensez bien que c'est la 8ème merveille du monde, le mec. Par une carrière à Guigou est au-dessus. Voilà, donc je parlerai pas plus de Guigou, ça sera peut-être. Vainqueur de Ligue des Champions une fois, voilà. Finaliste de la Coupe UHF, 10 fois champion de France, 11 fois Coupe de France, 10 Coupes de la Ligue, 2 trophées des Champions. Il a un caractère, Guigou aussi. Voilà. Je ne parle pas des médailles en équipe de France, forcément. Ouais, qui sont, ouais. Et tu le dis pour Patrice Canaillet également, par rapport au palmarès français, du hand et même tout sport collectif. Justement, je pense que Flo, t'as pas besoin de le chercher parce que, je suis désolé, mais il est arrivé en 94 à Montpellier. Et Montpellier gagne son premier titre en 95. Donc cette saison où il arrive là. Ouais, donc le palmarès de Montpellier actuel, c'est le palmarès de Canaillet. Tout simplement. Voilà. Donc plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et c'est vrai, ce coach n'est jamais considéré dans les médias français ou même dans le handball français comme forcément parmi les grands coachs. Alors on parle évidemment d'Onesta à juste titre, mais même par exemple à Nantes d'un Thierry Anty. Mais c'est vrai que Canaillet, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai que moi de là où, Gardant même. Voilà, de Gardant, enfin c'est bon. Moi là où je voulais en revenir, c'est vrai qu'alors il y a eu deux phases. Dans la carrière montpelliéraine de Canaillet, c'est la première où effectivement ils ont tout gagné, la Ligue des Champions, ils avaient la meilleure équipe, et c'est peut-être ça qui l'a un petit peu desservi, parce que bon, effectivement, vu l'équipe qu'il y avait, bon bah tout, je pense que beaucoup auraient été champions. Ça paraissait facile, mais il fallait le tenir quand même. Ça paraissait facile. Et puis il y a cette période post Paris qui nous a fait beaucoup de mal, et c'est là où on voit vraiment la vraie valeur de Canaillet, qui a tenu la baraque, dans les moments difficiles. Là, quand on voit cette saison, alors effectivement j'espère qu'il y aura le titre au bout, parce qu'il faut vraiment aller le chercher, celui-là ça récompenserait quelque chose de fabuleux contre vents et marées. Mais on voit quand même les performances qu'il y a sur le match de Barcelone et aussi sur le match de Paris à l'Arena il y a quelques mois de ça. Quand on compare les effectifs individuellement chaque joueur, à part peut-être Guigou, il n'y a aucun de tous les joueurs de Montpellier qui pourrait jouer dans ces équipes-là. Mmh. Et ça montre quand même qu'on a été déclassé en termes de niveau et de joueurs. Mais pour moi, ces équipes, ces deux victoires-là, et même celle d'avant face à Kielce l'année dernière, ou celle face à Paris chaque année un peu plus belle, elles sont dues à Canaillet, à son sens tactique. Il a dû se passer quelque chose dans les vestiaires hier, parce que c'était vraiment pas facile, on l'a dit, il y a eu ce petit regain, mais Barcelone semblait vraiment au-dessus. Et aussi, il doit donner quelque chose aux joueurs de... Il doit leur donner un plus, une hargne, un esprit d'équipe. Tu parlais de Trouchonavicius tout à l'heure. Moi, quand ce mec est arrivé, je me suis dit, putain, lituanien qui signe à Montpellier, qu'est-ce que c'est ? Mais on a été déclassé, quoi. Ou c'est pas possible quand on voit tous les joueurs qu'il y a eu. Et quand on voit le match qu'il fait hier, Trouchonavicius, je me dis, mais. Et je pense que Canaillet y est vraiment beaucoup pour ça. Et voilà, je voulais vraiment le féliciter. Bon, voilà, il a le palmarès. Il a voulu faire une statue, quoi. Oui, non, mais. Je me dis, voilà, il est vraiment. J'aimerais peut-être par exemple le voir en équipe de France. Alors, bon, j'ai pas envie qu'il parte de Montpellier, donc tu le verras pas en équipe de France. C'est pour Guigou qui prend la place de Canaillet. Ouais, si c'est Guigou qui prend sa place, mais et je me dis, voilà, c'est vraiment un mec qui est sous-coté. C'est le seul entraîneur français à avoir gagné la Ligue des Champions. Et quand on voit ce qu'il fait là avec Montpellier, et si on est champion, ça serait beau. Voilà, bravo Patrice. Thanks. On termine sur un coup de cœur ou un coup de gueule, je ne sais pas, mais c'est un sur Je vais essayer d'être bref. Ben, je vais parler de Franck Nicolina, puisque depuis le début de la saison, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup. Quand on en parle, c'est un peu pour lui tomber dessus. Et au final, on se rend compte que quand il joue, les Knicks sont quand même mieux, notamment défensivement. Et c'est pour ça qu'il a été drafté par la franchise de New York. C'est sûr que c'est pas un joueur qui va faire qui va noircir la feuille de stats C'est un joueur de l'ombre un peu à tous les matchs. Il va mettre ses 25 points et faire ses 15 passes décisives par match, non, mais c'est sûr. Mais il faut pas s'arrêter à non plus à sa feuille de stats, parce que c'est vrai qu'il y a des matchs où il met 6 points, il fait 2 passes et voilà, ça s'arrête là. Mais il fait un travail défensif colossal. C'est même peut-être le joueur clé dans le système d'Enix défensivement. C'est lui qui coupe les lignes de passe, c'est lui qui gratte les ballons. Il fait marquer des points très importants en transition Onyx. Et vraiment, c'est un joueur de l'ombre et un joueur du futur pour l'Enix, mais aussi pour l'équipe de France, puisque il a la vocation à devenir le successeur de Tony Parker dans un style sans doute différent. Il va falloir qu'il progresse évidemment au niveau de son shoot et qu'il soit un peu plus... Un peu plus régulier, voilà, notamment, et puis qui marque plus parce que voilà, sinon il fera pas une carrière à la hauteur de son talent à NBA. Mais vraiment, ce gamin, il a du ballon dans les mains. Il faut voir plus loin que ses stats et s'émerveiller parce que vraiment, ce qu'il fait défensivement, c'est incroyable. Ouais. Donc j'espère qu'il va progresser dans ce qui lui manque parce que il a tout pour être le futur grand meneur d'Enix et qui, avec Porzingis en plus à côté de lui, il y a moyen qu'il ait une très belle carrière. Vraiment, c'est... Non, c'est qu'il a une très belle base défensive et puis moi je trouve, comme tu as dit, une science du déplacement qui est vraiment... tu sens que ça peut devenir un très très bon joueur défensif. Ouais, c'est maintenant, vrai, voilà, faut travailler un peu le shoot et les passes encore, ça reste à un bon niveau. Et voilà, le shoot, ouais, ça le donnera shoot, encore plus de volume. Pour l'instant, c'est rédhibitoire son adresse au shoot, mais bon, après, il a été drafté parce que c'était un bon défenseur et qu'il savait qu'il pouvait progresser au shoot, donc... Maintenant, il sait ce qu'il lui reste à faire. Quoi. Un joueur essentiel dans les rouages d'Enix cette année, ouais, c'est vrai. Parfait. On le moment qu'on attend tous. Le moment que vous attendez tous, en effet, c'est le Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Ouais. Et donc, il y a plusieurs équipes. Hein. Tim et Guillaume ensemble, Romain toujours, et Dimitri ensemble, Paul et Thibaut ensemble, et l'homme à battre, c'est Vincent ce soir qui est tout seul. À battre ou à abattre ? Parce que du coup... Les deux. À abattre. Bon, bah écoutez, je pense que je vais y aller. On a le droit de cliché ou non, c'est... Surtout qu'il a fait le show à l'avant. Si on ne voit pas, c'est bon. Toujours invaincu, je rappelle. Voilà, bien sûr. Je t'attends. Le fameux calcul. Allez, rapidité, allez, tout de suite. On va passer sur la rapidité tout de suite. C'est la F1. A priori, ça devrait être une question rapide. Plutôt facile même. Qui est le plus jeune vainqueur d'un GP de Formule 1? Max Verstappen. Ouais. Ah bah oui. Max Verstappen, 18 ans et 227 jours avec le GP d'Espagne en 2016. Putain. Point. Pour la pression. Le duo Romain Dimitri. Merci pour la musique, j'ai oublié. Ah j'ai pas. Et de la musique. Deuxième question, tour de table. Quel pilote a remporté le plus de fois le GP de Monaco? Ouais. 6 fois exactement. J'allais dire Schumacher, mais pas sûr. On sait. Mais toi, d'accord avec ton binôme tout de même? Non, mais vas-y, on tente Schumacher, je pense pas. Ok. En face. Fonjo. Hamilton. Non, c'est pas Hamilton. Je crois que c'est Hamilton. Ah ouais? Quand tu veux, Vincent. Allez, ouais, Vincent. Je dirais. C'est pas Schumacher, c'est sûr. Je dirais Hamilton, mais sans conviction. Aucun, c'est Ayrton Senna. Ouais, Ayrton Senna. Bonne surprise. On en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission. Dans les années 80. Attendez, juste avant, je vais dire cette question pour tout le monde, comme ça tout le monde pourra y réfléchir pendant les autres questions. Tout à l'heure, je vous demanderai les 17 pilotes qui ont gagné le championnat depuis 1980. Donc vous y pensez depuis. Il faut penser aux 17. Vous y pensez. Thibaut, tu es téléphone. Mais tu feras un tour de table ou il faut que nous on sorte. On fera un tour de table. T'es gavé. Allez, quel est le record. Tour de table. Quel est le record de l'arrêt au stand le plus rapide en GP? Ah bah tiens. 10 secondes. Et quelques, ah ouais. Non. Il faut les centièmes parce que c'est très précis. 2,3 je dirais. 2,3 ça me va, allez. Putain, on en parlait tout à l'heure, c'est la vacherie ça. 2,2. Deux secondes 14. Bon allez, je prends 2,1 ou 2,14. J'arrondis en dessous, donc 2,1. Oui, c'est 2,1, ouais. Tu dis 2,1 ouais. Aussi. J'avais dit ça tout à l'heure. Point donc. Pour ici, puisque c'est le plus proche, mais c'est 1 seconde 92. Oh là là, ouais, c'est les Sauber. C'est ça, on sait pour pas. Ça, c'est beau. Je crois quatre, que c'était, quatre pneus. C'était l'année dernière, mais je pourrais pas vous dire. Ah, putain, ouais. C'est beau, bon, ouais. Toi, tu mets autant de temps pour changer un pneu ou pas? Tour de table. Oui, mais 20 minutes. Tour de table. Quel est le plus petit nombre de pilotes à l'arrivée d'un GP dans l'histoire? Vincent, tu commences. Il y a combien au départ déjà? Bah 20 normalement. On me rappelle de cette course, il n'y avait que 6 au départ. Ouais. Il n'y avait que 6 au départ, mais alors après, est-ce que c'est. Ça doit être par là. Moi je dirais 2. Ah ouais? 2. Ça c'est bien, c'est. 2 pilotes. Moi je dirais même 4. 4 ou 5 En face, ça serait plutôt 13 aussi. Non, c'était pas ça du coup. Bah, on va dire entre les deux, 3. Ouais, 3. 3. T'imagines, c'est aucun. T'imagines, c'est aucun. Non, c'est 3 pilotes. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est t'as l'année. C'est escroc du siècle. T'as l'année. C'est en 1996. Ah oui. À Monaco. Ah, c'était... tu m'étonnes. Ouais, non, et d'ailleurs, c'est Olivier Panis. Oui. Oui, oui, si. Qui l'emporte. Oui, c'est Panis, ouais. Et c'est la dernière victoire française. Ah oui. C'est... Combien ils ont de points en face? C'est un ou deux qu'ils ont eu? Je ne suis pas sûr. Ah, c'est un seul, ouais. C'est Olivier Panis, c'est la seule victoire de sa carrière d'ailleurs. Pas une surprise non plus. Attends, c'est un one shot, ça mérite de. Allez, tour de table. Combien de GP figure, Grand Prix, donc figure au calendrier cette année? On commence en face cette fois-ci. C'est bon. GP, ouais. On, donc combien de combien il y en a de Grand Prix cette année? Je dirais 21. Ouais, comme la taille de 21, ouais. C'est 19. 19 ah Grand bon Prix. Ah oui. Bah moi j'ai vu 19. Ouais. T'es sûr? Ouais, ça vérifie. Oh ouais. Bon, s'il a vu, pourquoi pas, mais... Demande la vidéo. Time. Dans tous les cas, on est les plus proches. Oui. Mais c'était bien, c'est challenging the call. Il me semblait qu'ils en avaient rajouté, justement. Bah, moi, j'avais vu 19 sur un site. Ouais, non, c'est bon. Bon, on verra après, ouais, parce que sinon... On vérifiera pour les autres. Du coup, on a gagné. Non, on a dit 21. C'est 21. 21, ouais. 21 ? Ouais, j'ai l'info sous les yeux. Tu sais qui a dit 21 du coup ? Ben nous trois. Et Vincent aussi. Et Guillaume et. Guillaume. Mais tu l'as cherché. Et nous, c'était sur le site des Red Bull. Ouais, faut qu'ils se mettent à jour les poulets par contre. Ouais, peut-être qu'ils en feront pas deux. Allez, c'est bon. C'est peut-être l'info de la soirée. Retour de table. Quel pilote en activité compte le plus de grands prix au compteur ? Ah bah oui. On va commencer par. Là-bas. Romain et Dimitri. Parce que Vettel a enchaîné quand même pas mal. Moi je dirais Fernando Alonso aussi. Ouais. C'est quoi le nombre Fernando de grands prix? Alonso? Non. Ah, peut-être pas. Allez, le plus grand nombre de grands prix au compteur. Ouais. On a donné notre réponse, on n'a pas changé. Alonso. C'est bien ses clubs. Moi je reste sur Alonso, je pense que c'est lui aussi. Moi, Alonso. En activité. Non. Ah merde. Hein Hamilton. Guillaume, non, mais il n'y est plus. Ou non, déjà Hamilton. En activité. Hamilton en face? Ouais. Ou non, possible, c'est par contre. Je vais dire Alonso, oui. Alonso, en effet, Fernando Alonso. Point. Point. Non, mais si, on est pas mal, nous, quand même. Regarde le match. Tout le monde a dit Alonso. Rapidité. Ah ouais, mais attends, mais Vettel et Hamilton, c'est les deux qui se. Ils sont arrivés un peu plus tard. Rapidité. 2007. Je t'écoute, ouais. Flo. Quel GP a disparu du calendrier par rapport à l'an dernier? Le pays, je vois. Si, je l'ai, c'est la Malaisie, Kuala Lumpur, Sepang. Malaisie, Kuala Lumpur, point pour Vincent. Que je les mets c'était quoi la question exacte juste avant? C'est deux grandes lignes droites là. Quel GP a disparu du calendrier par rapport à l'année dernière? Non, juste avant, ouais. La question juste avant. Combien GP figure. Non, quel pilote en activité compte le plus de grands prix? D'accord, ok, bah c'est moi qui suis. Fernando Alonso. Rapidité, qui suis-je? Qui suis-je? Attention, qui? D'accord. Moi. Qui? Ah oui, parce qu'il y a le que après. Né le 19 janvier 1980 à Fromme, pas Froome, Fromme. Je suis un pilote automobile qui dispute 16 saisons en Formule 1. Je ne suis plus en activité actuellement, j'ai plutôt voyagé entre les écuries, mais même si je fais partie notamment de nombreuses écuries britanniques. Jenson Button? Ouais, c'est ça. Belle. Jenson Button. Bien joué Romain. 4 exactement. Cependant, je suis passé chez une équipe italienne en 2001, puis française chez Renault en 2002 et japonaise chez Honda en 2006 jusqu'en 2008. Côté chiffres, mon numéro est le 22. J'ai couru 306 courses pour 8 poles de position, 50 podiums, 15 victoires et surtout un titre de champion du monde. Avec Brown GP qui a, fait un an et qui a fait le titre de avec champion. Le fameux Ross Brown quand même. Ouais, c'est quand même bon. Mon grand flé de gloire d'ailleurs avec l'écurie de mon pays, le Royaume-Uni, surtout l'Angleterre. Je termine ma carrière en 2017 chez McLaren. Mes seconds prénoms, c'est Alexander Lyons, mais on connaît surtout par Jenson. Je suis Jenson Button. Donc point déjà, pour Romain et Dimitri, 5 pour eux pour l'instant. Il avait fait un grand prix l'année dernière, il avait remplacé Alonso à Monaco qui était parti au 500 ouais, miles d'Indianapolis. Allez, maintenant le que suis-je? Ah putain, que suis-je? Ah, cela je l'avais. Écurie qui concourait dans plusieurs disciplines, Formule 3, Formule 3000 et Formule 1. Concourait car depuis 2005, mon écurie n'existe plus sous ce nom. Je me fais racheter, mais mon rachat est un échec complet. Après McLaren. Après 250 GP disputés, mon écurie fait au total 4 victoires et 19 podiums. Ce qui fait peu, pourtant, j'ai deux champions du monde dans mon écurie et de nombreux bons pilotes. L'écurie devient un top team dans les années 99, mais ça ne dure pas longtemps. Ah oui, William. Et vers 2003, c'est déjà la descente aux enfers pour mon équipe. Nick Hedfeld. Toyota. Toyota. Et notamment dans l'une de mes monoplaces à ce moment-là. Mon siège se situe au Royaume-Uni, dans la ville où, où se trouve le seul circuit. Sauber. Formule 1. C'est Enstone. S'il te plaît. Même si mon président reconnaissable. Mon président est irlandais, le nom de mon écurie est également un prénom. Aston Frank Martin. Williams. Non. Et ma couleur est reconnaissable car c'est jeune vif. Benson. Lotus. Benson. C'est les Lotus. Benson. Moi je le connais parce que c'était un de mes pilotes favoris qui était dedans. Ah, c'est Benetton. À savoir Enseral Frenzen. Ah putain. Bah on est. Ah, Jordan. Ah mais oui. Jordan qui a quand même eu Schumacher, les deux. Ouais. Ah, mais je pensais que c'était actuel. Moi, je pensais que c'était Eddie Irvine, Jarno Trulli, Fisichella, Damon Hill, Anserral Frenzen. Il y a quand même des. J'avais l'image de la voiture, mais j'avais pas le nom. J'aimerais avoir l'inverse la prochaine fois. Trulli qui est un des pilotes à passer le plus de temps avant de gagner un moment. Ouais. Rapidité, si je vous dis, Saint-Devot, Beau Rivage, Massenet. Bah, c'est le Grand Prix de Monaco. Okay. Louis Chiron. Bah c'est les virages. Les virages de Monte-Carlo. Les virages de Monte-Carlo. Ouais. Anthony Gonoguez, Piscine, Portier, Rascasse, Casino, Mirabeau. Qu'est-ce que c'est le nom des virages ou des chicanes au GP de Monte-Carlo? Le Lose. Hey, Thibault, elle est pas mal. Allez, rapidité, culture générale. Rapidité. Allez, donc. Auparavant, Interlagos au Brésil était la dernière course de la saison. Où cela se passe-t-il à présent? Brésil. Ah bah c'est à Abu Dhabi. Attends, c'est à Yas Marina, c'est le Grand Prix Yas Marina. C'est à Abu Dhabi. Abu Dhabi, il y a eu égalité au niveau du temps. Moi, ça me dit. Pas compris la question. Apparemment, à Interlagos. Interlagos, c'est au Brésil. Ouais. C'est la dernière. Mais je pensais que c'était la. Quelle est la dernière course maintenant? Ça a changé, c'est à Abu Dhabi. Ah bien, lui, la consigne. Culture G, je la donne à 2 points celle-là. Ah. Ah. En 1976 et 1977, l'écurie Tyrrell Racing a fait quelque chose d'assez insolite. Ils ont changé quelque chose sur leur monoplace. Qu'est-ce que c'était? Les ailerons. Ouais, ce que je veux dire. Ah, le truc derrière là, comment ça s'appelle? Le guidon. Le volant. Les... Putain, moi je crois que je le sais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose cette histoire. Les rétros. Le moteur. Merci. Bah, les pneus. Précise. C'est Pirelli. Déjà la jante. La taille des pneus. Des pneus pleins. Les pneus pluie. Les pneus pluie. Pas de pneus. Des pneus de vélo. Des roues de vélo. Des ailes. C'est Bridgestone. C'était pas Pirelli. Non, pas de rapport avec les marques. C'est pas de marque. Ah, des clous. J'ai mis des clous. Non. Des pneus clous. Les pneus intermédiaires. Non. Allez, sinon je donne rien. Ça fait 2 points quand même. Les pneus. C'est Melka. Personne. Des pneus pleins, non, c'est pas ça? Ouais, on a parlé de jantes, on a parlé de. Ouais. C'est une monoplace à 6 roues. Ah ça j'avais jamais entendu. Le ça. Pilote Jody Scheckter a remporté d'ailleurs le GP de Suède au volant d'une de ses monoplaces. Le seul Sud-Africain champion du monde. Donc voilà, monoplace à 6 roues. Pas mal ça. Dernier donc la question que je vous ai dit. Ah, bah, c'est... Ouais. Depuis 1980, 17 pilotes ont remporté le championnat. Qui sont-ils? 80. 1980. 7. Ah c'est pas depuis le début? Non, 1980. Ah non, on n'a pas non plus 30 ans pour un quiz. Est-ce qu'on peut commencer pour pas faire bredouille? Exact. Oui. Voilà. Cool. Oh non, c'est la vacherie ça. Du coup, un champion du monde. J'avais les vieux. Celui qui a gagné 7. Schumacher. Ouais, normal. Allez, on continue vers la gauche. Team Medium. Alonso, oui. Allez, Alonso, 2 fois. C'est ça. Kimi Raikkonen, 1 fois. Hamilton, 4 fois. Vettel, 4 fois. Button. Jenson Button, 1 fois. 2009. Allez. Mika Hakkinen, 2 fois. Ah, je l'aimais pas, lui. Non. Attends, Rosberg. Oui. Lequel? Nico. Mais ouais. Lequel? Bah, du coup, ouais, ça a été dit, ouais. Niki Lauda. Oui, Niki Lauda, bien joué. Une fois. Bah, Prost. Prost, 4 fois. On l'a pas dit Ayrton Senna. Non. Bon, on l'a pas dit. C'est Jacques Villeneuve. Villeneuve, 1 fois. Pas Denis Villeneuve. Il en reste combien? Oh non. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ben nous on est un peu à court là. Après il a dit à partir de 80. Tu me dis ou pas? Ah non, ça passe pas. Bah ça, mais c'est... Non, je pense pas. Time. Ça, Trulli non plus. Allez. Alonso. On l'a déjà dit. C'est trop gros. James Hunt, mais il me semble que c'était avant 80. Non, il n'y a pas. James Blunt. Éliminé. Je crois pas. Allez, à gauche. Demon Hill. Demon Hill. Une fois. Ouais, ça. Putain, là. Mais moi je connais les vieux, mais il y a. Comment il s'appelle? Ah ouais, c'est l'année 80 qui me met en. Ayrton Senna, je l'ai dit. Putain, j'en avais un, je l'ai perdu. Ah, c'est terrible. Allez, sinon. Nigel Mansell. Nigel Mansell, une fois, bien. Britannique. Hakkinen. On l'a déjà dit. Déjà dit. Ouais, je vous donne une deuxième chance. Ouais, il fait du J'avais pas entendu les dire, je cherchais pas. Range ton téléphone, s'il te plaît. Moi j'en ai encore. Ah oui, c'est bon. Allez, éliminé. Barry Kilo, il a pas gagné ? Non. Éliminé. En face, il reste que Vincent et le duo Team Guillaume. Ah, moi j'en ai un encore, j'en ai un. Il est là, mais à mon avis. De nationalité peut-être ? Alberto Ascari. Ascari. Allez. On va tenter. On tente sinon. Je tente, hein. Non, je non. Attends. 3, 2, 1. Éliminé. Non, Barrichello, il n'y en a pas, non. Ouais, bah, si je peux, il me semble que Keke Rosberg. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé. Rosberg, c'est lequel? Keke Rosberg. 82, Keke Rosberg, non. Vous vous foutiez de moi, vous disiez, ouais, Rosberg, prends-nous pas pour des jambons. Bah, il y en a un autre, Keke Rosberg. Du coup, Vincent était obligé de confirmer, donc point pour lui. Et victoire de Vincent sur ce coup-là. De 1 point, et sur ce 5 points-là, les autres c'était un qui a gagné 3 fois Nelson Piquet. Nelson Piquet, oui. C'est l'année 80 qui m'a. Et le dernier, c'est un Australien, Alan Jones. Je sais si vous le trouvez, c'était fort. Ouais, voilà, moi, donc, je les avais tous avant. Vincent, est-ce que tu as celui qui a fait le plus de Grand Prix? Il me semble que c'est Barrichello, non? Ouais. Victoire donc Vincent 7 points, le duo Romain Dimitri 6, Team Guillaume 2 et Paul Thibault 1. Yes. Allez, on passe. Sans transition. Tennis. on passe à l'agenda. Justement, on va commencer avec le football. C'est la suite des matchs amicaux. Encore. Portugal, Pays-Bas ce soir. Sinon, c'est mardi. Donc demain, Russie, France, Allemagne, Brésil, Colombie, Australie, Angleterre, Italie. Ouh, Allemagne, Brésil, sympa. Ou encore Espagne, Argentine, qui est diffusé sur C8 si vous voulez voir un peu de matchs étrangers. J'espère que vous n'avez pas parlé sur le Portugal. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ça n'écoute pas. Je vois. Je n'avais pas entendu que tu avais dit la diffusion. Déjà. Champions League féminine, Barcelone-Lyon et Chelsea-Montpellier ce mercredi. Sans un jeu. Championnat étranger, donc Séville-Barcelone, c'est ce week-end. Séville-Barcelone, Bayern-Dortmund, Juventus-Milan AC ou encore Chelsea-Tottenham. Et le retour aussi de la Ligue 1, Dijon-Marseille, Caen-Montpellier, Nantes-Saint-Etienne et Lyon-Toulouse. En rugby. Incroyable, là, cette journée. En rugby, il y a pas de top 14. Place à la Coupe d'Europe et Toulon qui se déplace au Munster, donc c'est samedi à 16h15. Connacht reçoit Gloucester, Édimbourg reçoit Cardiff et le lendemain c'est le match de Clermont et de La Rochelle, il me semble. Clermont reçoit le Racing et le Leinster reçoit le Saracens. Ça veut dire que c'est La Rochelle joue le vendredi soir, ouais, c'est ça, et La Rochelle joue contre les Scarlets à Scarlets vendredi soir. Voilà. Très bien, au niveau du hand, Lidl Star League, Montpellier-Aix, Ivry-PSG, Nantes-Toulouse, c'est mercredi. Quant à la Champions League, match avancé aussi mercredi, Flensburg contre Kristianstad, le vainqueur du possible match entre Barcelone et Montpellier. D'ailleurs, Barcelone et Montpellier, ainsi que Veszprém et Schkern, c'est samedi. Et dimanche, Nantes-Brest, Szeged-Kiel et Neckar contre Kielce. Au niveau du cyclisme, est-ce qu'il y a des échéances? Ouais, il y a un petit événement quand même. Il y a Tour de Flandre. Le monument par excellence du cyclisme, le Tour des Flandres qui a lieu du coup ce week-end, avec un très beau plateau comme on a pu le dire. Et puis il y aura quelques petites courses, mais assez mineures sinon à côté. Surtout en Belgique, comme à travers la Flandre par exemple. Qui prépare le bien pays du vélo. Au Tour des Flandres. Belle. Bizarrement. Ouais. Ouais. Voilà. Mais non, de belles petites courses, mais surtout pour en retenir qu'une, le Tour des Flandres ce sommet. La NBA. Donc cette semaine, Pelicans Blazers mercredi, Jazz Celtic jeudi et Spurs Thunder vendredi. Tu l'as noté le Raptors Celtics aussi? Non. Houston Raptors. Non. Houston, c'est ça? Non, Raptors Celtics. Il y a un Raptors Celtics là cette semaine? Ouais, samedi mars. Nous sommes dit mars proche ici. 31 mars, sans la, avec le chiffre, c'est mieux. Le Spurs, Houston, tu l'as dit. Samedi, ouais. 31 mars. Après, j'ai un peu de boxe et une réunion à Levallois-Perret, le main event de Malvin Coney, où on aura un titre intercontinental des poids super moyens entre Najib Mohamedi et Muhammadi. Donc, pas, attention, c'est confusant. Intercontinental, c'est championnat du monde, quoi. Non, c'est différent. Même pas. Ah, malheureusement, c'est assez curieux. Sinon, comme, ça serait mieux pour les Français, mais bon. Comme dénomination, mais. Ouais, c'est deux. Et aussi, on aura le championnat du monde des poids lourds de Joshua en Angleterre contre le Néo-Zélandais Parker, donc avec tous ses, avec ses trois ceintures. Attention à pas se rater parce que Wilder a réussi à combattre, à battre hein, le numéro 3 de la catégorie. Là, il a décidé de combattre un boxeur invaincu, mais quand même moins bien classé. Donc, il devra faire avec la manière cette fois. Et le dernier sport, je laisse Tim l'annoncer. Je sais qu'il aime le faire. Tennis. Alors, en ce moment, il y a les matchs, hein, sachez-le. Ah. J'ai un Chapovalov contre Sam Querrey. Ce soir, j'ai un Kachanov contre Anderson qui va être pas mal. Il y a un Coric Sok aussi intéressant. Berdych Tiafoe et Zverev Ferrer. Tout ça, c'est ce soir. Hein. Et Kyrgios Fonini. C'est dans le tournoi de Miami. ATP, Miami, Masters 1000, États-Unis, Planète Terre. Très bien. Floride, oui. Floride. On fait les pronostics. La semaine dernière, il y a eu 3 points pour Romain et Guillaume, puisque vous avez pronostiqué la victoire du MHB contre Barcelone avec 3 buts d'avance, donc ce qui s'est passé. Propre. Un point pour les autres, car tout le monde avait pronostiqué le MHB. Et Montpellier-Chelsea en féminine, personne n'avait de points. Tous trop optimistes. Exact. Comme d'hab, quoi. Ce qui fait qu'au classement, j'ai 16 points. Guillaume, 11, qui est devenu deuxième. Dans le rétro, là. Romain, pour une fois qu'il est deuxième. Romain et Dimitri, 3e égalité à 9 points. Beau, Théo, déjà. 8 points. Yacine, 7. Vincent, Paul et Tim, 5 points. Aïe. Thibaut, 4. Sylvain et Anthony, 3 points. C'est au son. Le pronostic de la semaine, c'est le même. Barcelone-Montpellier, mais l'inverse. Oui. Au handball. Aïe, pas facile celui-là. Allez, bon, on commence par Vincent. Barcelone-Montpellier au handball. Alors, défaite de Montpellier, qualification de Montpellier. Ouais, je veux juste la qualif, je veux pas les nombres, c'est que soit qualif. Calm down. Victoire ou défaite et qualif. Okay. Écoutez, je préfère dire qualif de Montpellier, quitte à me tromper, mais je ne veux pas parier contre mon équipe. Donc, qualif et défaite de Montpellier, c'est ça. Qualif de Montpellier, voilà. Non, mais je veux savoir s'il y a. Ouais, qualif de Montpellier, mais je veux savoir s'il y a victoire ou pas. Ouais, allez, on va perdre d'un point là-bas, c'est bien. Donc défaite. Ah oui. Non, je n'en sais rien. Moi aussi. Ouais. Romain. Ouais, je pense la même chose. Défaite, mais victoire. Ouais. Ouais. Ça va être chaud. Ça va être chaud. J'espère même le match nul. Allez, soyons fous. Défaite du coup ou match nul. Non, objectivement défaite et okay. Qualif Montpellier. Bien sûr. Dimitri. Allez, on va être joueur. Allez, victoire à Barcelone et qualification. Pourquoi pas. Vraiment joueur. Pourquoi pas. Hein. Ah bah c'est à éliminer mais... Ouais pour changer des autres, défaite et élimination allez. Oh non non. C'est bon ça. Ah, il prend aucun risque. Je t'aime prend quand aucun t'es comme ça. Pas classif là. Non moi je dis défaite et qualification. Défaite si et qualification. Parce que ouais. Barcelone c'est bien recevoir. Tim. Voilà, on connaît ça. Tim. C'est la tradition. Je veux dire match nul et qualification. Je le sens bien celui-là. Grosse pipe. Ouais, moi aussi, j'ai de joueurs. Défaite de 3 points. Défaite de 3 points, donc prolongation. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens. Je sais pas si on peut. Mais qui c'est qui se qualifie, surtout ? Bah, tu connais mon amour pour la France. Et bien, te qualifie du Barça. Putain, mais pour Montpellier, Guillaume, t'as pas le droit. C'est pas Benoît Paire, là. Si, j'ai le droit. Non, parce que je les sens friables sur le finish. Si, il a le droit, parce que moi, je vais mettre Barcelone. Merci, mon poulet. Parce qu'au moins, si, but de Messi dans les si Montpellier se qualifie, bon. Je suis content. Et si Barcelone se qualifie, au moins, j'aurai une petite joie. Du coup, défaite. Supporter du MHB, si régulier. Bah ouais, mais bon. Pas y aller après. Régulier, mais pragmatique aussi. Ouais, il faut l'être dans la vie. On ira gagner le Final Four. J'espère que. Et j'espère qu'ils vont me faire mentir. Ah, moi aussi, Ouna. Donc, on remercie tout le monde ce soir, les auditeurs. Et toujours partager les publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On est dessus. Donc, rejoignez-nous. Les chroniqueurs ce soir, vous étiez nombreux. Et merci d'être venus à tous. Merci à toi. C'est normal. C'est avec plaisir. Tu sais. Et à la technique. Hein, merci Arnaud. Merci Arnaud. Merci. Beau sourire. On va terminer par faire plaisir à Romain parce qu'on en a parlé un petit peu mal tout à l'heure. Mais bon, c'est parce qu'on n'est pas fan de ce personnage. Alejandro Valverde, l'Espagnol, qui l'année dernière s'est imposé dans la Flèche Wallonne. 38 ans. Hein. Et qui a explosé le peloton, enfin ce qui restait du peloton dans le mur de Huy, le fameux mur de Huy. Donc le Merckx moderne. On va aussi dopé l'un que l'autre. Il s'enflamme. Oh là, ça y est, il nous lâche une petite quenelle sur la fin. Elle est belle, débat dopage, allez. Plus grand coureur sur les Ardennes. On termine là-dessus et nous on se retrouve pas la semaine prochaine puisque la semaine prochaine c'est férié. Et on se retrouve à la place. On se retrouve dans 2 semaines. Moi je ne serai pas là, mais ça sera bien repris par Paul et Romain qui parleront avec un invité rugby. On verra bien qui c'est. Petite surprise. Donc voilà, on se revoit dans 2 semaines. Notez que Guillaume nous dira, je connais rien en rugby, mais je préfère dire quelque chose. Toujours un petit grain de sel d'amateur. Allez, dans 2 semaines, 19h, 21h, ça change pas ça. Sur Radio Campus Montpellier, salut à tous. Pas bon, allez, compte tout concernant. Je le cherchais. Basilier est pas mal. Dan Martin, gros travail de Dan Martin, l'Irlandais. Regardez, pour l'instant, il maîtrise. Et Julien Alaphilippe, qui est là, Albazini là-bas. Et accélération de Julien Alaphilippe dans la route, Valverde. C'est peut-être comme l'an dernier, Valverde, Alaphilippe ou Alaphilippe, Valverde. Accélération, peut-être dans l'histoire, peut-être dans la légende. C'est pas fait encore. Et voilà la victoire de Valverde. C'est le premier homme à gagner 4 fois la Flèche Wallonne. Et Julien Alaphilippe qui est encore deuxième, Dan Martin troisième, Rudolf Pousse quatrième, Enrico Gasparo termine 5e, 6e, c'est Michael Albazini. Voilà, Rui Costa qui est dans les 10. Et nouvelle déception pour Julien Alaphilippe qui, comme l'an dernier, termine 2e. Ah non, il aime gagner, Julien. Relative déception. Ah, quand même. Ouais, mais c'est Valverde. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.